Depuis le début de la saison 1, je trouve que tu te forces pour améliorer ton vocabulaire. Oui, oui. Contrairement à moi. C'est pas non, grave, mais toi, il Eric. Faut que tu entretiennes ton vocabulaire. C'est toi, toi en fait, ton vocabulaire, Eric, c'est un patrimoine. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode suivant du gars qui va répéter parce qu'il débute le show tout le temps sur le même ton, puis finalement, il trouve jamais une zone de confort, même après 84 épisodes. Donc, vous écoutez Geek Collectif, le podcast, une émission de balado-diffusion francophone québécoise sur la culture populaire et impopulaire. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir d'Éric Hébert. Oui, je ne toucherai pas à mon cellulaire, j'ai fait l'erreur de faire un excellent troll post v'là 15 minutes. Attends, erreur? Puis les notifications en ce moment, ils arrêtent pas. Il va fait que j'essaie de capturer toutes les photos avant que le thread se fait delete. Parce que je suis rendu à cette étape-là dans le troll. Là. Il y a le monde qui m'a envoyé chier pendant 40 commentaires. Puis là, maintenant, il y a le monde qui me défend puis qui demande que le post soit banni, que le monde qui m'envoie chier soit banni. Ah, c'est une beauté. Fait que dans le fond, Internet est en train de faire ce qu'Internet fait de mieux. Il y a comme une autorégulation. Oui, l'autorégulation est là puis est magique. J'adore ça. On peut appeler ça aussi une guerre civile. C'est une guerre civile de très bonne qualité. On est accompagné également de Jonathan Milter. Oui. Toi, Jonathan, ton troll post, c'est parce qu'on comment ça se fait? Il a de l'air moins intense que celui d'Éric, juste parce que c'est pas dans un groupe ciblé. Fermé. Moi, ouais. C'est celui, c'est le public ciblé. Fait que c'est amour ou haine, genre, là, incroyable. Moi, c'est du monde qui font « ta gueule, t'as pas payé ça ». Ouais, c'est puis, ça. Fait que dans le fond, le monde te connaît. Le monde me connaît, ils savent, là. Ouais, fait mais que... Milter, c'est Milter, tu sais. Éric, ben, il y en a une couple qui... pareille qui disent, ben là, j'espère, t'as pas payer ça pour vrai. Tu sais, ils hésitent parce qu'ils savent aussi que... Fait que dans le fond, Éric, lui, il surfe sur une vague de haine et de mépris. Puis toi, dans le fond, c'est une vague de doute et de compréhension. Moi, si jamais avec Milter, il y a ses, tu sais, ses vendredis drunk... Drunk buys. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais pas fait... Non, c'est plus du digital. Là. J'aurais pas allé checker ce qu'il dit. Disait, oh, 300$ pour une mini NES qui vaut 80. Go, ouais, je prends mon ça, char. Je qualifierais pas ça. 300$ pour une mini-neige, je qualifierais pas ça de drunk buy. Je qualifierais ça de stupid sad buy. Drunk buy. Ouais, c'est... tu sais, le genre d'achat, tu te réveilles le lendemain pis tu fais comme... Moi, c'est plus le genre, je check, il est minuit et demi, je vais checker le store sur PS4. C'est comme, oh shit, un nouveau flash sale. Une pièce et 25 pour un jeu bâtard que je jouerai probablement jamais. Parlant de flash sale, avez-vous vu pour vous, en tant que propriétaire de Vita, il y avait une flash sale sur les jeux de PS1 classiques. Legend of the Dragon, Chrono J'ai Trigger, peur d'acheter ça, de c'est con, hey, là, c'était 99 cents. Mais je sais pas, mais on dirait que le fait de jouer PS1 classique, j'ai pas des super bons souvenirs PS1. Oui. Moi, j'ai acheté Chrono Cross là-dessus, puis je le regrette pas. J'avoue qu'un RPG du style, c'est moins épais que puis moi, j'ai joué à Final Fantasy IX. J'ai joué à Final Fantasy IX sur le PlayStation portable Vita dernièrement. Parce que ça a célébré le, je pense, que c'est le 20e anniversaire de Final Fantasy IX. Hey, on est tous rendus avec une Vita, ouais. Je pense à ça. Hein? Sauf Guillaume. Ouais, sauf Guillaume. Non, j'ai absolument rien de PlayStation. Mais tout ça pour dire que j'aime bien les jeux PS1. Là. Il y en a des bons là, qui sont vraiment, vraiment bien. Est-ce que t'as une grosse coupe de vin, Guillaume, ce soir? Guillaume, c'est comme l'apothéose de la bourgeoisie ce soir. La grosse coupe de vino puis les Cheetos au jalapeno. Ben, Jean-Philippe Ducarry-Mathieu pouvait pas être là, c'est que j'ai décidé de faire prendre son rôle. Éric, avant de débuter... Je t'inviterai à décliner ton micro d'environ 2 pouces vers ma droite, ta gauche. Comme ça, tu vas pouvoir parler direct dedans. Et peut-être l'incliner à 2 pouces par en haut aussi. Là, excuse, tu parles. Je suis tout nouveau d'avoir le micro dans ma face comme Écoute, ça. Écoute, c'est nouveau pour toi, mais c'est parce que t'as une golden voice de podcasting. Et parlant de golden voice de podcasting, j'ai nommé également Guillaume Hamel. On est loin de la golden voice. The silver voice. Silver voice. The bronze voice. La bronze voice. Ça, c'est la voix de marde, ça. Mais non, mais écoute, sois pas si dur que ça avec toi-même. Non, ça pourrait être comme d'autres... Non, je le dirai pas. Non, je vais laisser ça à Milter. J'ai rien dit. Les couteaux volent bas. Avec Milter, des fois, les couteaux volent haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun couteau qui vole au collectif. Non, en effet. On est politiquement correct. On sort quand même pas pire. Sauf quand il est question de parler de joueurs de jeux d'échecs puis de Sorel. Tu viens juste faire une joke d'autiste? Tabarnak, t'es lousse! On rit pas de ça, ça. Bon. Je vous plaît, si je suis là, ce soir, je vous plais. Sur ce malaise palpable, guys, si on faisait un tour de table pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre actualité récemment. Peux-tu commencer juste à cause de comment que Guillaume a fini? À cause Guillaume du malaise palpable? Tu sais, je fais tout le temps des jokes d'autiste, tu sais, pis des affaires là. Pis dernièrement, ma femme, elle m'a parlé, pis elle m'a dit, tu devrais aller passer des tests pour voir si t'es autiste, parce que... Parce que tu as dit t'as des comportements bizarres des fois. Mais ça serait peut-être une excellente nouvelle pour toi. Le pire, c'est quoi? Je t'adore, Joe, là, mais... Mais t'es autiste. On s'en doute un peu depuis quelques années. Mais honnêtement, moi, je sais que pour Jonathan, ce serait la meilleure chose qui pourrait y arriver. Parce que, j'ai-tu de l'argent qui rentre? Peut-être. Si t'es autiste? Oui. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est puis la je suis obligé de le dire à ma job. Tu sais, je garde ma job puis je reçois de l'argent mais du gouvernement. Mais non, mais pour avoir une subvention, peut-être pour toi, ta job. Astier. Mais ils vont se mettre dans les poches. Tu te rappelles pas l'épisode, l'avant-dernier épisode où Hamilton nous parle des subventions? Ouais, et... c'est des vilains dans Scooby-Doo. Ouais. Mais ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à Hamilton, un diagnostic. Un coming out d'autisme. Parce que, tu sais. Les likes. En 2016 et maintenant en 2017, bientôt, un blanc peut pas faire une joke de noir. Ouais. Un gars peut pas faire une joke de fille, et encore moins, tu sais. Donc. Un être humain normal peut pas vraiment faire une joke d'autiste. Ah ouais. J'aimerais dire qu'ils peuvent faire ces jokes là. Hein. Ouais, mais ils vont se faire lapider. C'est comme si ils vont se faire lapider par une minorité de personnes qui pensent qu'ils sont une majorité. Ils vont dire t'es un autiste. Comme Mike Ward est arrivé, puis ils vont voir. Tandis que là, Milton il dit ben j'ai le droit, j'en suis un. Et sur ce débordement légendaire, ouais, ça sent bien plat. Milton va se donner. Ramène le show à l'ordre, Milton. Ok, c'est ça. Mon actualité. Ok, mon actualité. Moi, c'est un site, j'ai une question pour toi. Oui, go. Il y a combien de Cheetos dans le bol, Joe? 722. Merci. Ok, je jouais à, c'est quoi? Oui. Dans le fond, c'est un autiste qui a du TDA. Je te niaise. Dans le fond, c'est un site, j'ai recommencé à jouer. C'est niaiseux de dire à recommencer parce que je jouais pas dernièrement. C'est il y a 10 ans, je jouais beaucoup à Dead Rising, une de mes séries de jeux préférées. Puis j'ai finalement acheté le pack que j'ai parlé à un autre épisode, le Triple Pack. Merci puis, en passant. C'est ça, Eric, il l'a. Et puis, c'est ça que je voulais en venir un peu dans un sens, parce que toi, t'as joué aussi, j'ai acheté Dead Rising 3, que j'avais déjà en physique, mais troubles de CD, nanana, vous le savez tout. J'ai racheté en digital pendant un Shocktober Flash Sale d'Xbox, 9,99 Dead Rising 3 puis les 4 expansions. On s'entend que c'est un crise de bon c'est deal. Un crise de deal fait que j'ai dit, je me sens pas mal de le racheter tout de même juste pour jouer digital. Rick l'a découvert. Oui, moi j'aime bien ça. Moi, je l'ai parlé à des chums à job. Y a du monde qui m'ont écrit dernièrement, dont le grand Joël Martel, tu sais, pour me demander un conseil via Dead Rising, vu que j'en parlais puis tout. Puis tu sais, savoir quel acheter, quel. Puis là, tu sais, c'est comme ben y a le pack des trois pour un petit deal, fait que ça vaut la peine de. Si tu veux t'investir un peu, le prix d'un moins cher qu'un jeu à plein prix normal neutre à trois jeux qui sont excellents puis qui vont durer plus longtemps, mais. Je trouvais juste le fun que je pensais que j'étais un peu tout seul ou dans le temps j'étais un peu tout seul qui avait trippé sur le jeu parce que du monde on dirait qu'ils l'ont pas compris. Mais comme les bons jeux sont comme le bon vin puis qui vieillissent avec le temps puis qui pas qu'ils prennent nécessairement qualité mais qui restent bons puis qui se font découvrir par du nouveau monde, des nouvelles générations ou des gens qui avaient pas la chance d'y jouer dans le temps puis le mot s'est passé pareil. Ben, crime, moi, j'ai racheté ça, puis j'ai recommencé le 1. Ça fait déjà 3 fois que je le finis. J'ai tué 55 000 zombies hier soir. T'as-tu unlocké le saut de Megaman? J'ai unlocké le gun de Megaman. Ça l'a fait quand tu l'avais originalement. Je l'ai fait plusieurs fois quand je l'avais originalement, puis là, ça m'a juste motivé à le refaire. Puis c'est là que je m'ai rendu compte que j'ai... une méchante bonne série. Puis je l'ai fait découvrir, comme je disais, à du monde à job dernièrement. Il y a 2 gars à job qui l'ont acheté puis qui jouent en co-op à Star dans le 2 puis dans le 3. Puis, tu sais, ils me payent le midi. « Hey, comment tu fais ça? C'est quoi l'affaire vert là que j'ai vu? » Puis tu dis « Ah, level up, va pas là tout de suite. » C'est juste le fun. Je sors l'ordre de même. Là, au monde, un bon petit jeu à conseiller quand tu peux pogner des méga packs cool, pas cher, puis tout. Là. Puis, c'est en gros, en même temps, Eric aussi a remarqué ça. C'est du gros... Comment tu disais ça, là, non? Moi, je trouve que c'est de, du Capcom. C'est du fan service à 100%. Là. C'est du gros. Tous les jeux, là, si t'aimes Capcom, que ce soit Street Fighter, Mega Man, Ghouls and Ghosts, tu sais, toutes les séries au complet de Capcom, ben, t'as des sauts de Mega Man, des bonhommes. Tu regardes ta montre, c'est une montre Mega Man. Tu sais, c'est juste donner une idée, là. Dans le cinéma, c'est des films de Mega Man, des films de Arthur, de Le Knight, de Ghosts and Ghosts. C'est les kings du packaging, tu sais, c'est. Mais ben, c'est ça. Autant que ils sont fidèles à leur nom, pareil, tu sais, dans un sens, là, leur legacy, si on peut dire, là. Puis, dans ces jeux-là, c'est juste le fun de te promener dans le centre d'achat, puis voir carrément Mega Man X-Zero, tu sais, ou quelque chose de même, puis tout. Puis, c'est ça. Ça, c'est cassé. Je fais ces temps-ci. Puis une autre affaire que j'ai faite, c'est j'ai pris de l'avance, je t'en parlais avant le show, André, j'ai acheté des cadeaux de Noël pour mes enfants tout de suite. Wow. Puis j'ai mon fils. Tu les énumérer au cas où Steve nous écoute. Ben oui, oui, il sait, il s'en fout lui, il est trop vieux, il va avoir de l'argent là, qu'il mange de la marge les cadeaux là, il est trop, il va chialer, c'est un adolescent, il va dire non non non, c'est de la marge, j'aurais voulu ça. Fait que prends de l'argent, va te l'acheter puis chiale après, c'est ton problème, c'est toi qui l'as acheté. Mais l'autre il est plus jeune. Non non, mais c'est vrai pareil, c'est un ado aussi, il lui donne de l'argent qu'il fasse qu'est-ce qu'il veut avec. Puis il va être bien content, je suis bien sûr. Puis, en tout cas, non, c'est mon fils Logan, le petit gamer de 6 ans dans la maison. Celui qui t'a passé 300$. Oui, pour acheter une mini NES classique sur Kijiji. il est plein d'argent. Il a 6 ans, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il arrive bien, mais il revient à la maison. C'est money. Plein, ouais, ça doit être ça. Il y a des grands-parents. Oui, puis c'est toutes ses petites vidéos, c'est plein d'argent. Mais non, ça, il va recevoir à Noël parce qu'il m'en parle depuis un bout. Il trippe ses Lego, il trippe ses jeux de Lego, il trippe sur Minecraft, il trippe ses Lego de Minecraft. C'est pas mal les 4. Principal intérêt qu'il y a dans la vie, puis ça tourne autour de jouer à ça ou à regarder des vidéos de monde qui joue à ça sur Internet. Puis là, j'ai acheté Lego Dimensions. J'ai acheté le gros jeu, j'ai acheté des petits expansions, si on peut dire, des petits bonhommes, puis tout. Puis ma sœur, elle y a acheté des petits bonhommes, fait que tu sais, il va avoir toutes les affaires. Puis moi, c'est ça que je voulais vous demander, votre avis à vous autres. Il y a une couple d'années, j'étais comme, voyons donc, je veux pas embarquer dans Skylanders ou de la shit de même, dans le sens que, comment qu'ils appellent ça, André, du toy? Toys to Life. Toys to Life. Je savais que toi, t'aurais le côté technique, écoute, les marketing, jouets, la chose. Mais, si, continue, moi, au début, j'étais comme, je veux pas embarquer là-dedans parce que ça va me coûter trop cher. T'en parlais à Ian Richard. Qu'est-ce que t'en penses? Qui? Ian Richard. Il est pogné là-dedans. Lui, et ses affaires sont scalaneurs dans le tapis. Là. Ben, c'est ça. Moi, mon gars, je n'ai rien qu'un pour l'instant qui trippe, mais l'autre va sûrement capoter quand il va voir ça puis qu'il est en train de vieillir. Fait que l'âge de jouer à des jeux avec son frère, là. Mais, au début, je me disais, je veux pas que ça me coûte trop cher. Parce qu'il va tout le temps me demander des bonhommes. Tu sais, des enfants de même ou des Skylanders ou de quoi. Fait que là, je suis dans les Lego puis je suis comme, j'ai l'impression que parce que c'est Lego, c'est moins payé. Puis au moins, ils ont de l'air de donner des expansions de tableaux. Pis des affaires de même, plus que, je trouve que c'est de l'air plus value que qu'est-ce que Skylanders offrait, personnellement, mais je suis pas vraiment au courant. Ben, je voulais votre avis sur les Toys to Life. J'aimerais te donner une petite aparté là-dessus, parce que j'ai eu une conversation, justement, récemment avec un de mes amis, à propos des Toys to Life. Puis, lui, il m'a apporté une comparaison quand même assez intéressante. Il a appelé ça comme, mettons, une addiction au crystal meth. Il dit, tu sais, t'as le monde qui font du crystal meth, pis t'as le monde qui font pas de crystal meth. Il dit, ceux qui font pas de crystal meth, ils ont plein de préoccupations dans la vie. Tu sais, c'est comme, je vais-tu être en retard à la job? Je vais-tu pouvoir payer mon loyer? Mon hypothèque? Mon auto va peut-être briser? Faut que j'aille chercher les enfants en garderie? Puis t'as le monde qui font du crystal meth que leur seule et unique préoccupation, c'est, je vais-tu avoir d'autres crystal meth? Fait qu'en réalité, les Skylanders, tu sais, c'est un peu un effet placebo parce que tu penses que... Mais non, mais attends, ça a du sens. Je suis en train de regretter d'avoir acheté ça à mon fils de 6 ans. Non, non, mais où je veux en venir avec ça, puis son thinking était logique, c'est que ton kid, s'il accroche Skylanders, c'est juste ça tu vas dépenser penser. La même argent parce que t'achèteras pas plus de jeux. C'est juste qu'au lieu d'y acheter un jeu, une fois de temps en temps, tu vas arriver à la maison, tu vas faire « Hey, 15, c'est le insérer nom d'un élément... » avec un elfe, tu sais, comme mettons, elfe de bois, mallette, gros marteau, là. Puis là, il va faire, ah, tabarnak, un nouveau Skylander, puis là, il va capoter. Mais tu vas dépenser le même argent par année. C'est juste qu'un moment donné, mais tu c'est vas ce que je me disais dans un sens. Moi, c'est ce que je me disais, est rendu là avec les Lego, je me disais, bah, il peut jouer avec, il peut le monter, il peut le mettre dans son jeu. C'est pas si pire. La dernière fois, j'étais allé au Toys R Us, là. Mm-hmm. Puis je check la promo, Toys R Us, les bonhommes, ils étaient 17$, mais là, ils vendaient 11. Là, je suis comme... C'est quand même mon fier, ce bonhomme. C'est quand même... Ouais, mais il y a un petit véhicule ou whatever, en tout cas, puis tu le mets dans le jeu. Tu sais, j'étais comme... C'est un déo, parce qu'ils sont 17, tu sais. Mais là, je vois une petite étiquette qui dit... Si t'achètes pour 20$ de Lego Lego Dimension, on te donne le bonhomme Lego Ninjago, whatever. J'ai aucune astuce d'idée c'est quel, là, gars. Moi, les Ninjago, c'est out of my league, là. J'aime les Lego, là, mais ça, je suis pas capable de suivre. C'est pas une émission, Ninjago? Ouais, mais c'est ça, c'est des Lego Ninjago. Même Lego Star Wars, il y a des Exo Knights, ils ont des sauts de métal. C'est comme des séries de cartoons, mais avec les Lego, puis après, ils font des bonnes, des... Oh, il y a des jeux vidéo de Lego? Oui, plein. De Ninjago, je parle. De Ninjago. Puis de Lego, quoi? Ouais, je parle de ça depuis genre 10 minutes, mais... En fait, 18. 18, ouais, mais non, ça inclut mon... Ah, c'est mon, vrai, il y avait le pitch. Affaire, de Dead Rising. Mais non, mais tout ça pour dire, là, tu sais, les bonhommes, j'ai acheté ça, puis là, ils me donnent de Ninjago. Fait que pour 22$ plus taxes, j'ai eu 3 bonhommes. C'est quand même un bon c'est deal. Quand, même quand ils vendent 17 chaque, j'ai fait, bah, je vais les acheter. Sinon... Mais toi et Guillaume, si ton fils t'arrive, puis y en a-tu des Skylanders? Non, il n'y en a pas. Lui, il joue avec moi des jeux de Xbox. Puis si t'arrive à Noël, là, puis il dit, papa, je veux que le Père Noël, il me donne Lego Dimension, puis le kit de Ghostbusters, c'est le kit de Back to the Future. J'ai dit pas la vérité sur Père Noël, mais je vais dire, fais une liste, puis le Père Noël va voir ce qu'il peut trouver dedans. Ouais, puis tu serais-tu game? Ou tu non, dis, je n'en achèterai pas. C'est ça, tu veux pas embarquer dans... André a fait le parallèle du crack. Crystal Meth. Mélange pas les deux. J'aimerais juste, parce qu'on a eu le trailer de Trainspotting 2 dernièrement, puis c'est comme Lego Dimension. C'est parce que, non, mais c'est le meilleur segue au monde. C'est parce que qu'est-ce que j'aime du trailer, c'est que t'as un autre excellent monologue qui se fait dire. Puis je l'ai ici, là, je l'ai pas mis jusqu'à la fin, là, mais ça dit « You're an addict, so be addicted ». Just be addicted to something else, not crystal meth. Lego Dimension. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life. Choose Skylanders. Je l'ai édité un peu. Fait que moi, allez voir le film pour avoir la vérité. Fait que t'as fait un bon achat. Je pense que c'est un achat de parents judicieux. C'est pas du crack, André. C'est pas du crack. Premièrement, c'est pas du crack. Deuxièmement, c'est des Lego. Ben c'est ça, je me dis. Puis il y en a plein. Puis tu sais, ils rebuild Minecraft au complet avec ses... Lui, il a toutes les kits, là, puis il est construit une fois, puis il fait comme « Ah, cool! » Ça, c'est Logan, pour ceux qui ne savent pas, il est méta, parce qu'il joue au Lego. Ouais. Il joue au jeu vidéo Minecraft. C'est pour ça qu'il joue au Lego édition Minecraft. Ouais, mais il se construit de quoi dans Minecraft? Puis il va le construire en Lego après. C'est-tu qu'il vit la puis, vie, des man, fois, en ce moment? Ouais, ouais, c'est fou, ça, hein. Ça, là, that's the life right puis there. Puis après, là. Tu des fois, tu l'arrêtes-tu des fois, puis tu dis... T'es en train de vivre les meilleurs moments de ta vie en ce moment. Ça va juste la rendre très confus. Ouais. Je suis en train d'écouter une vidéo sur YouTube. Comme... C'est à ce moment-là que le kid, il fait comme, soit mon père a vraiment pas d'ambition, ou mon père me trouve vraiment hot, tu sais. Ah, oh, ben, d'après moi, il va se trouver hot. Ouais. Puis il n'y a pas encore de devoirs en plus à faire, c'est ça. Ah non, il y en a, il est en première année. Ah oui, ouais. C'est quoi des devoirs de première année? C'est écrire des petits mots comme il ou la. Apprendre ses syllabes. Il, genre l'île, là? Ou... Non, il comme deux, il comme ils. Je commence à m'inquiéter un peu, là. Son, il va une école. Toutes ses dictées à date, là. Son autobus, c'est à quelle couleur? Il est arrangé. Genre, OK, c'est mais on est sur la bonne track. Il y a 100% dans toutes ses dictées à date. Puis c'est pas de moi qui. Tabarnak, faut qu'il écrive il. Comment non, non, non, mais il fait des phrases, pis tout, là. Des petits mots, tu sais, le ballon est rouge, tu sais, mettons, là. Puis à date, il est 100% parce partout. Dit, c'est pas moi qui avais 100%. Là. Non, il est pas... C'est pas un franco-ontarien. moi, je vivais ça. Mon père disait ça. Fait que c'est pour ça que j'étais pourri en français. Mais comme moi, je parle bien. Mais merci, Joe. Donc, Lego Dimensions est un cadeau très hot cette année. Je voulais votre avis, là, parce que j'avais peur de m'enfoncer dans un trou sans fond, d'être pogné à acheter des petits bonhommes pour les 8 prochaines années. Je pense que les Lego Dimensions, c'est mieux que ça. Puis c'est son premier jeu de PlayStation 4, parce que vu que c'est la seule affaire que je peux... Tu sais, je peux pas le downloader. Techniquement, il me faut la base puis les bonhommes. Là. Ouais. Fait que c'est lui, il est habitué à Xbox. Là, il va jouer PlayStation 4. Là, hey, mais permettez-vous d'y aller après? Puis dans, ben vas-y, rajoute. Ben justement... Moi aussi, ça se download pas, mon actualité. Puis, hein? Ouais, ça se download pas, c'est incroyable. Mais en fait, mon actualité se download, parce que c'est pas Skylanders? C'est pas du Crystal Meth. On en réalité, downloader c'est ça? Comme du Crystal Meth, mais... ça se vend pas mal plus cher que du Crystal Meth. Ça se vend très cher ces temps-ci, puis c'est quasiment du Crystal Meth. Je me suis procuré une NES Classic Edition... Oh, combien t'as payé pour? J'ai payé le prix que ça se vend, donc 87$. Le prix que ça vaut. Ben, en fait, le prix que ça se vend présentement, parce que la valeur, tu devances un peu mon pitch, mais la valeur est quelque chose de très malléable. Je peux-tu juste refaire un petit commentaire face au commentaire de Guillaume qui a dit ça. Tu veux faire un commentaire sur le commentaire? Ça se vend plus cher que du Crystal Meth. Je pense que Guillaume connaît pas les prix du Crystal Meth. Non, je vois pas le Crystal Meth de Guillaume est vachement abordable. Non, je connais fuck all des prix de. Faudrait je pense qu'on devrait faire ça. Je veux juste spécifier que j'ai vu un documentaire, je connais pas les prix. Mais on devrait faire ça. C'est-à-dire, toutes nos reviews, on les base sur comme le prix du le Crystal Meth actuel, selon le documentaire, bien sûr. Eric, il va être le gars qui tient au courant de ça. On va aller voir parce que pendant ça. Il habite dans Schlager. Fait que je me suis procuré une NES Classic Edition. Puis, dans les dernières semaines, premièrement, le monde ont viré fou, là, puis tu sais, viré littéralement fou. Sur le NES Classic Edition, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour m'en procurer une. Puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que... Combien de gens as-tu frappé? J'ai pas frappé personne. Okay. J'ai passé proche de me faire frapper souvent, par exemple. Ou mais piétiner. Où je veux en venir avec ça, c'est... Je l'ai, puis on dirait... Il y a comme... J'en discutais avec vous autres un peu au début. Fait que, tu sais, c'est les auditeurs, dans le fond, qui vont être mon auditoire, qui vont... Ben, on l'a joué, on l'a essayé, le fait. Puis je me suis rendu compte, pas pour couper ton punch, mais je me suis rendu compte que c'était tous des jeux que j'ai crissement déjà trop joué dans ma vie. Fait que je peux m'en passer. L'engouement de la NES Classic, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est de... Le gros fun de la NES Classic... ben, gars, je tournerai pas autour du tout. Le gros fun, c'est de l'acheter. Premièrement, c'est d'en trouver une, puis de l'avoir dans tes mains, puis là, tu te sens à l'apogée du geekdom, puis t'as la boîte tant convoitée du temps des fêtes. C'est le défi de te rendre à la caisse avec des mains, ben oui, parce que tu peux te faire ça, frapper. Cette relique convoitée du temps des fêtes, cette... Ce Tickle Me Elmo 2016. C'est ça, Oh, c'était quoi aussi Furby, ouais, qui se vendait sur mais tu sais, ce qui est super drôle de cette console là c'est, premièrement, c'est un produit de qualité. Fait que tu sais, je vais y aller avec les j'aimerais dire qu'on a name drop Furby, les enfants ils ont un Furby live, là, ouais, puis pour les gens, Furby c'est pas le membre des Black Eyed Peas qui était du sexe féminin. Fergie. faut faire la différence entre les j'ai deux. J'ai dû compter la shot que dans les magasins de 10, il y a un gros biker qui est venu au comptoir, il est rentré de raide dans le magasin, il arrive au comptoir, il s'accote, puis c'est comme si c'était un tueur, là, c'est clairement un tueur. Puis il te regarde, il me regarde, il dit « T'as-tu ça du Fergie? » T'es comme, j'ai dit-tu que c'est Fergie? Je fais ma gueule, puis je donne le CD. J'ai juste donné. Fait que là, la NES Classic Edition, tu sais, je vais être optimiste au début, c'est une machine cool. Ta branche en HDMI, il y a un fil USB pour le power. Et petit. Un le fun, un petit, puis c'est une réplique à l'échelle. C'est un beau produit. Le packaging, il est nice. Puis l'interface fonctionne super bien. Là, vous vous revirez de bord. Ouais, pour on la regarde. Live. Il la regarde dans le coin. C'est pas le chat qui dort. Qui est mais parce qu'elle est belle. C'est une belle petite machine. C'est une belle machine. Puis l'interface, c'est le fun. Faut-tu souffles dedans pour la partie? T'as pas besoin de souffler dedans. Oh. Tu peux souffler parce que t'as couru pour t'en procurer une. Mais c'est une belle machine. Le menu est le fun. Il y a 30 jeux. Ça te permet de faire 4 save states. Les save states, c'est pour les gens qui ont des émulateurs de KC, de pauvres, qui sont pas capables de se payer des NES classiques. Fait que les petites cassettes sont vraiment pas bien. Juste de pauvres. Tu sais, les gens qui sont comme rebelles et anti-establishment qui veulent give it to the man. Le monde anti-establishment qui font des ROM puis qui disent que le jeu vidéo, ça devrait être gratuit. Mais grosso modo, c'est une belle machine. Il y a 30 jeux là-dedans. Des classiques, puis pas mal tous les classiques sont là. Bubble, Punch-Out, Contra. Bubble, les trois jeux qu'on Punch a joué out, juste avant. Contra, Excitebike, que tu vas jouer 5 minutes, Zelda. Tu vas te tanner. Zelda. 1 et 2. Zelda 2. Mario 1, 2, 3. Mario 1, 2, 3. Il y a 30 jeux. Va sur le net, puis go Shinobi, la liste de Shinobi. Liste. Il n'y a pas Shinobi. Oh. Ninja Gaiden. Il y a Ninja Gaiden, mais pourquoi tu voudrais jouer à Ninja Gaiden, très honnêtement? Là. La mais, musique. En passant, on connaît tout quelqu'un qui a dit qu'il a fini Ninja Gaiden, mais... Moi? T'as fini Ninja... Non, moi, je l'ai fini aussi. Attends, ouais, on l'a ouais, ici. Je l'ai même refini quand je l'ai acheté. Parce que moi, c'est ça qui me fait rire un peu de la Wii classique. C'est que ma une Wii... Fois, la Wii. La NES Wii. Classique. Non, la NES classique. Mais la Wii... Wii NES classique. Un jour, il va y avoir une Wii classique. Je suis juste en train de faire mon Nostradamus. Okay, cool. C'était comme un rat du comme futur. Que Val Kilmer va mourir bientôt. Exact. Mais la Wii, quand je l'avais eu, la première fois qu'il m'a fait triper de la Wii, c'était la Virtual Console. Puis j'ai dû avoir dépensé des centaines de dollars de Virtual Console. Puis je l'ai encore, cette petite boîte blanche-là, remplie de jeux que j'ai dépensé d'argent dessus. Puis j'ai refini Ninja Gaiden avec ça. Parce que t'avais le save state aussi. Quand t'arrêtais le jeu. Mais non, j'ai déjà fini quand j'étais jeune. Avec un game genie. J'ai pitché des manettes à terre. Avec. Je me rappelle encore de la frustration que ce jeu-là m'apportait dans la cave, dans le projet que je vivais avec ma mère pauvre. Puis, c'était un beau projet à passer, un bel appartement. Fait que dans le fond, t'as fini Ninja Gaiden. Puis, oui, il y avait le save feature, puis je suis content de voir que des gens peuvent apprécier ça. C'est une belle machine. Ben, c'est une belle machine, mais là on va tomber dans la réalité. Il y a deux volets que je voulais amener sur la NES classique. Premièrement, Nintendo sont super intelligents, OK? Parce que c'est une compagnie où ça allait pas super bien. Là, ils ont le momentum, là, c'est écœurant. Parce que tout le monde, ils ont trouvé un moyen de nous vendre notre nostalgie. Donc, nous vendre ce qu'on tripait quand on était jeune, dans le packaging. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient enfin faire de l'argent là-dessus, chose que tout fan de Nintendo savait depuis au moins 10 ans. Mais non, mais ils ont juste augmenté leur transaction moyenne parce que tout le monde a acheté la plupart de ces jeux-là dans leur Wii qu'il y avait sur la Virtual Console, mais ils ont racheté une NES classique. Je les ai pas mal toutes, moi, puis je les ai transférées dans ma Wii U, ben ça, c'est puis comme, je joue pas plus avec. Je voudrais te racheter une NES classique. C'est comme la moitié des, ouais, des collectionneurs rétro, ouais, du exemple. J'ai acheté une à 300, excuse. Ouais, c'est mais, ça. Ouais, à 300. Parce que vous êtes toutes la plupart des collectionneurs de jeux rétro, en tout cas que j'ai vu, qui se sont manifestés sur la distribution aux collectionneurs ou le CCJVQ, disent, je les ai déjà, mais je la reprends pareil. Parce que. Point. Ben, tu vois, c'est un peu ça. Là, je voulais en venir. C'est parce que tu parles de DAC, right? Secrètement, ils vont pas l'avouer, mais ils le vendent tout pour 150. Ben oui. Ben, premièrement, avant d'aller là, laissez-moi finir. Okay. Premièrement. Deuxièmement, c'est que. Ils ont trouvé un moyen, Nintendo, de me vendre 30 fois 5 minutes à 80$. Voulant dire que j'ai rejoué à tous les jeux à peu près 5 minutes, puis j'ai fait « Hey, c'est cool », puis j'ai arrêté. Puis là, ma blonde est arrivée, puis j'ai fait « Hey, check, j'ai acheté une NES classique, on va pouvoir jouer ensemble », puis on a joué 30 fois 5 minutes. En fait, non, on a joué plus un 10 minutes de Dr. Mario, puis 5 minutes d'une couple d'autres jeux, puis on a arrêté de jouer. Puis j'ai l'impression que là, justement, l'engouement est d'acheter la console, puis de l'avoir chez nous. Pis c'est ça le trip, c'est de payer pour l'avoir à la maison, puis la regarder, puis dire « je l'ai ». Moi, j'ai l'impression que c'est un portable thing, ouais, que t'amènes, parce que c'est tout petit, c'est facile, c'est deux, ouais, fils, genre, là, ou de console de chalet. Puis là, ben, soit ça, tu traînes ça un peu partout, tu traînes ça dans les parties de Noël, le peu qu'il a, puis après Noël, il va en avoir plein partout. Fait que le monde va se garocher comme un peu une Wii. Puis après, c'est le monde, justement, comme André parle, le monde... casual un peu trop ou de quoi, qui vont dire « Ah, c'était cool, au party de Noël, on a une 80$. » Mais ça va faire comme une Kinect, c'est ça, tu sais, c'est... Pas une Kinect, une Wii. Ben, une Kinect, c'était pareil. Guitar Hero, c'était pareil. Ouais. Guitar Hero, c'était un flingue. En gros, le volet A, c'était ça, c'est que c'est le fun, c'est un beau produit, c'est un beau fini, sauf j'ai eu plus de fun d'en trouver une, pas d'en acheter une, que de m'en servir pour vrai. Puis là, je tombe dans le côté B, le côté Stefano. Le côté l'infâme Stefano qui fait un retour. Lui, à chaque temps des fêtes, il revient, Stefano. Oui, hein. C'est vrai. Puis, Stefano, c'est Stefano. Stefano, c'est Stefano. Stefano, c'est le gars qui... C'est pas Stefano Feitas. Non, effectivement. Pour Guillaume, qui mélange souvent les deux. Stefano, c'est là... C'est un peu un foodie, excusez-moi. C'est super simple, c'est que... On a fait un post à la page du collectif là-dessus. Puis les gars, vous avez fait deux troll posts avant même le show... Puis on voit de la façon que les gens réagissent. Le mien, un de mes deux troll posts, j'aimerais vous aviser qu'il était delete. Bon, fait que mais, ça a été effacé. Mais c'est à cause que les gens étaient rendus très méchants avec moi, puis le post recevait plein. Est-ce de... que ça t'affectait beaucoup? Non, c'était pas moi, mais ça l'affectait bien du monde qui était pas moi. J'ai même reçu des messages privés de 3 personnes qui m'ont envoyé des messages requests et disaient « Hey, j'espère que ça fait pas une mauvaise allure pour le groupe. » En réalité, juste pour expliquer l'auditeur, vous avez fait une fausse photo avec ma boîte en disant « Hey, c'est le meilleur 300$ que j'ai investi sur Kijiji depuis un bout. » Malheureusement, aujourd'hui, live là, il y a du monde, qui ont fait ça, qui ont payé 300$ pour la machine, qui ont payé 300$ pour vivre l'expérience d'acheter un produit Nintendo qui est en pénurie de stock. Moi, je veux juste, encore une fois, tenter de conscientiser les gens qui écoutent le show. Vous allez me trouver le vieux Preacher, la vieille cassette qui saute, le disque vinyle qui rush, mais en réalité, là, c'est... Il va en avoir d'autres shipping de NES Classic Edition pendant le temps des fêtes. Après Noël, il va en avoir aussi. C'est le fun courir après ça. Puis c'est le fun living the dream. Vous avez la boîte convoitée pour Noël. Vous pouvez la mettre en dessous du sapin. Vous allez pouvoir faire bénéficier vos enfants. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, n'encouragez pas les revendeurs. Si vous allez sur Kijiji et vous payez 300 ou 400$ pour une Nest classique juste pour le fait de vous péter les bretelles pendant le temps des fêtes, vous faites partie du problème et non de la solution. Vous justifiez pourquoi Nintendo imprime si peu de quantité de leurs accessoires, de leurs consoles et de leurs jeux. Mais c'est débattable parce que eux, ils n'envoient pas une... C'est pas Nintendo qui fait cet argent-là. C'est que, tu sais, ils n'ont aucune valeur ajoutée à Nintendo d'en imprimer si peu, outre que d'en faire parler. En réalité, il y a une valeur ajoutée, c'est qu'ils ne sont pas obligés de le dormir sur veut. De l'inventaire. Eux autres, là, c'est qu'ils ont la certitude que quand ils impriment un produit, 100% de l'impression va être vendu, puis ensuite, il y a une demande qui est là, puis ils vont justifier même 100% de la deuxième impression. Versus, souvent, quand on va voir, puis on va avoir la chance d'en parler tout à l'heure des consoles, Sony qui disent « On a shippé 18 millions ouais. de consoles. » Ils ne sont pas vendus, les 18 millions de consoles. Il y en a 1,5 million de vendus. Ils sont toutes dans les retailers. Comme Grégory Charles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme le CD de Grégory Charles. Le Grégory Charles. Mais on s'entend, il y a une limite entre ce qui a été fait puis 18 millions. Il y a juste un milieu à atteindre. Ben, il y a juste un milieu à atteindre, c'est sûr. Certain. Mais moi, je crois que la aussi... deuxième batch, qui va être 100 fois plus grosse, probablement, dans un sens, là, va être toute vendue parce que tout le monde est comme « Il m'en fout, il m'en fout! » Fait que là, il va vendre quelque part, le gars du micro-play va être comme « Hein? » Puis je viens dans ça, là. Je l'accorde tout de suite, là. SNES classique va venir aussi. Ben oui. C'est un peu ça. Fait que tu sais, où je veux en venir avec ça, c'est que présentement, là, arrêtez de trier au Wii U classique. Arrêtez de vous insurger puis tu te le quittes. Puis surtout, allez pas Skiji puis sur eBay pour acheter ça. Attendez la prochaine impression. Faites pas comme moi. Il y en a pas de panique là, présentement. Ouais. Là. Mais faites pas aussi vos vierges offensées dans le sens parce que, oh my god, le gars, il va, on le sait qu'il y a quelqu'un qui va le vendre à 300$. En réalité, là, c'est que si vous vous offusquez sur le fait que quelqu'un en vend 300$, dites-vous qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui l'a acheté 300$. Ben oui. Il y a pas quelqu'un qui décide de mettre quelque chose à 300$ pour aucune raison puis qui va le laisser là. Ça va arriver qu'il y en a avec des prix exorbitants. OK, le gars qui l'a mis à 1000$, lui, il charrie peut-être un peu puis il ne vendra pas. Mais la majorité du temps, les resellers, ben, ils vendent leur stock. Puis c'est ça qui est triste là-dessus. Ouais. Mais au pire, il y a 1000$, il y a un gars qui te dit « Je te donne 300$. » Puis okay. Ouais. Exactement. Puis Stéphano, reste chez vous, serre ton portefeuille puis arrête d'acheter puis arrête d'encourager cette business de reseller-là. Fin de mon point. André, savais-tu que, selon mes sources fort bien informées, ta console NES classique équivaut à 1 gramme de crystal meth? Exactement. Selon crystalmethaddiction.org. Oui. Mais lequel qui est plus gramme en demande? Et 80$. Un gramme de crystal meth égale 80$. Quel est plus en demande présentement, par exemple? Tu peux t'aller aller chercher 2,5 grammes de crystal meth pour ça. Donc, Laval, en plus, Laval. À la guise du temps, car j'ai quand même débordé moi-même, je vais m'auto-censurer, mais je vais inviter Eric à nous faire part de son actualité. De un, ça a l'air qu'il y a un site qui dit que crystalmethaddiction.org. Ouais. Je vais laisser ça à m'absorber un petit peu. Bon. Il vous le dit pas, mais il vient de le bookmarker. Donc, Eric, je t'invite à pouvoir enchaîner le pas, mon cher. Oui. Ben, moi, je suis allé voir un film la semaine passée. Félicitations. Que j'ai vraiment apprécié. C'est un film dans la. Qu'est-ce que moi je trouve la valeur la plus sûre au monde de nos jours? Le MCU. Fait que le Marvel Cinematic Universe, je pense que c'est une valeur sûre. Ils ont compris la game, puis ils font juste faire des affaires très bien formulées. Mais je suis allé voir Doctor Strange. Ça faisait longtemps que celle-là m'intéressait. Puis c'est un personnage que je connais pas trop en comic non plus. Fait que peut-être Guillaume ou Milter vont avoir à dire là-dessus. Avec Benedict Cumberbatch. En fait, Benedict Cumberbatch, ben j'ai même pas commencé. Mais tu nous as interjecté. Je pensais que c'était pas venu plus tard. Non, on est. Je voulais juste dire que... Sans québécois, ça veut dire « Laissez-moi parler, Colis ». Non, mais go. Je voulais dire que t'es pas le seul et unique qui connaît pas beaucoup. Même moi, je suis pas un gros connaisseur de Doctor Strange. Il est plus connu pour ses apparitions sporadiques. OK, ben ses apparitions sporadique ou pas, il y a un excellent film qui a été sorti, puis vraiment, je suggère à n'importe qui, c'est un film qui a été réalisé par Scott Dickerson, je pense. C'est le gars qui est reconnu un petit peu, c'est weird parce que son premier film comme gros mainstream, c'est The Exorcism of Emily Rose, puis il a fait Les Sinister, Un remake de Hellraiser, je pense qu'il a pas trop bien fonctionné. Ouais, mais Minter va te le dire, c'est un Hellraiser, c'est pour ça que ouais, ça a pas marché. Il y avait le Hellraiser, ouais, c'était de la merde. Anyways. Hellraiser tout court, la merde. Ouais, c'est peut-être pas Hellraiser tout court. Fait que lui, dans le fond, il a fait tout ça, puis après ça, il a décidé de whitewasher Doctor Strange. Il est noir, Doctor Strange? Non. Oui. Ben non. Non, il est blanc. Man. Pour une fois que c'est moi qui vous troll, puis les trois vous mordez. Ben oui, ben moi, je le dis très clair. Non, je suis le plus gros troll et le plus gros poisson sur la planète. Le chinois. Doctor Strange, Eric. Excellent film. Peut-être un des films les plus cool que j'ai vu depuis longtemps. Hero Journey à 100%, right? Fait qu'on niaise pas avec ça. Tilda Swinton, qui joue... et ça, parlant de whitewashing, justement, ça a l'air qu'il y avait un petit peu de whitewashing sur le monk que, mm-hmm. qu'il y a dans cette série. C'est comme le servant, si tu veux, de Doctor Strange. Ouais, puis... c'est ça, mais elle fait très bien. Ça fait quand même être une écossaise. Ça fait des centaines d'années qu'elle vit. Puis c'est elle qui enseigne ça maintenant. Il y a sûrement une backstory de comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est rendue. Mais les effets spéciaux dans ce film-là, les tripes dans ce film-là, là, le moche que j'aurais pris en regardant ce film-là, là, c'est trippant. Ils ont un genre de time-bending. C'est comme un mécanique, Inception Marvel. Tu vois, j'ai tout dans ma tête, je sais pas quand est-ce que le Inception reference va sortir, là, mais... Non, mais c'est parce que oui, c'est pas, parce que Inception, faudrait que ça soit dans un rail. Pas visuellement. Tandis que dans ça... il faut que ce soit dans quelque chose qui s'appelle le Mirror World. C'est pas un rêve tel quel. C'est comme une bulle qui crée, qui est comme un miroir de la planète Terre, puis il se promène là-dedans. Mais anyways, dans ce style d'univers-là, il ouvre la porte à absolument tout. Le multidimensionnel, le spirituel. Narnia. Hein? Quoi? Narnia. C'est quoi ça, Narnia? Hein? Chronicles. Je sais pas. Mais il commence. En tout cas, dans Doctor Strange, il n'y a pas de gros cabinet dans une chambre qui apporte dans un autre monde. Désolé. Fuck. J'ai vu ça dans un film que j'ai oublié le titre. Mais en passant de ça, qu'est-ce que j'aime, c'est l'acting dedans est écœurant. Il y a la fille que j'oublie son nom est dans les films de Sherlock. Tellement cute. Les films de Sherlock? Lucy Liu? Non, pas tout. Lucy Liu, ironiquement, est dans un show de Sherlock. C'est pas ça? Non, c'est pas Sherlock. C'est pas Rachel McAdams? Hmm? Rachel ouais, McAdams. Rachel McAdams dans... C'est canadienne, ça. Est-tu canadienne, Rachel McAdams? Oui. Super de bon rôle. Comme je te dis, c'est un docteur qui est super bon avec ses mains. Puis que naturellement, il y a un accident de fou qui arrive. Puis là, il est plus bon avec ses mains. Là, il se met à marcher. Grosse crise existentielle. Ben, genre, grosse crise existentielle, il va à la recherche de lui-même, il est super arrogant, mais là, il a un blé, puis après ça, il décide de devenir bon. La cape est un personnage vivant dans ça, j'avais aucune idée, mais sa cape, c'est comme une entité vivante. On n'a jamais vu ça, c'est pas comme s'il y avait un tapis magique dans Aladdin, puis... C'est pas comme dans l'enfant sacré du Tibet. Ouais, ça ressemble beaucoup au tapis magique, c'est vrai, t'as raison, good call. Ça ressemble beaucoup à ça, oh, c'est très bon, là. Marvel Cinematic Universe. Disney. Aladdin, cap de Doctor Strange. Ouais, mais Robin Williams. Hey, en passant, ils font un nouveau Aladdin, en plus, en live action, qui est en production. Ben, en fait, en ils font trois live action, si ma mémoire est bonne. Le Livre la Jeune. Livre la Jeune est déjà sorti. Ouais, mais Lion King, Aladdin. Ouais, Lion King. C'est vrai, Lion King, ça risque d'être intéressant. C'est parenthèse. Puis Lion King, tu sais. Mais tout ça. Doctor Strange, super de bon film. On apprend aussi le rôle un petit peu de Doctor Strange dans le prochain Thor, je pense, parce que c'est un petit peu ça qui se passe à la fin des credits, là, t'as un meeting avec Thor. Ouais, mais Thor, il est dans un, tu sais, Dark World, là, pis des... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est la manière qu'il pitch un peu après que Doctor Strange, il fait qu'est-ce qu'il fait à faire pour protéger le monde. Allez voir le film, je veux pas trop le spoiler, même si je vais le spoiler un peu. Mais à la fin, il y a une partie où il rencontre Thor, puis Doctor Strange devient genre le guardian de la planète Terre, du monde, qui viennent de d'autres univers puis d'autres dimensions. Attends, c'est le Green Lantern du Marvel genre, Cinematic Universe. Genre, ouais, tu vois, ça ressemble beaucoup à Green Lantern dans cet aspect-là, mais plus spirituel. Pas espace, là, spirituel, comme multidimension. Puis, Ryan Reynolds, il était spirituel. Hein? Hein? Ryan Reynolds, dit fuck. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? mais on voit un petit peu qu'il fait une deal avec Thor d'aller retrouver son frère, genre, fait que c'est sûrement un rapport à Ragnarok, tu s'en viens. On parle de Loki, son demi-frère. Ouais, son demi-frère, ben c'est son frère. Je sais sûr. Puis c'est ça, puis on voit aussi beaucoup d'illusions, on a un nouveau gem qui vient d'apparaître, fait que si t'es un fan, si t'es un fan du MCU, ben on a l'Infinity Stone. C'est le dernier, je pense, c'est-tu le dernier, c'est le cinquième, ouais? Là? Ben, c'est ça, je veux savoir c'est quel, c'est peut-être mais un qui a apparu ailleurs. Mais on essaie de voir, là. Fait que là, il y a le Time qu'on vient de voir dans Doctor Strange, celle que... The Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, ils ont le violet, que je pense. Ouais, il est mauve. Il y a le Vision qui Vision dans le qui a le jaune, qui est le Mind. T'as le Dark, pas Dark, Red Skull qui est dans il l'a-tu encore? Non, c'est ça, plus, on n'a pas Captain America. Ben oui, Captain America 1. Il n'a-tu un dans ses mains, claque, le Red Skull. Oh oui, c'est vrai. C'est le first jet. On est rendu à 4, je pense à 5. Je te disais ça live direct. Ouais. Puis l'autre, c'est pas The Collector, là, Benicio del Toro. Mais The Collector, c'était l'avait. Le violet qu'il y avait. Est-ce que c'est là que je parle intérêt ou... Ben non, là, l'Infinity Gem. L'Infinity Gem, là. André, André. C'est là que Thanos, il va équiper ça. Là. Oui. Il y en a quatre à date qui auraient équipé ça. Vrai. On vient de les énumérer, les quatre. Le rouge, c'est du bel et bien de Red Skull. Ils disent pas les couleurs, mais il y a le Space Stone qui était dans le Tesseract. Il y a le Red Stone qui était le Aether. Il y a le Power Stone, le Orb, puis le Mind Stone qui était dans le Lucky Spectre. Man, j'ai assez hâte que Dark Side ils mentionnent pas le Time Stone. D'abord, le vert, il est pas là, right? Les cinq seraient là, OK. Le vert, il est pas là? Ooh. Parce que le vert, c'est celle qu'on voit dans... C'est le Time Stone que tu vois là-dedans. Il y en a un qui est dans... C'est celle-là qui était dans Guardian Galaxy, qui est protectée par Nova ouais, Corps. Qui est le violet, là, ouais. Ouais. Doctor Strange, c'est l'article date d'avant Doctor Strange. C'est qu'on pourra... Ben c'est ça. Fait c'est anyway, en 2019, on va le voir, le film. L'Infinity Stone, peut-être ça rajoute à cette série-là. En fait, c'est le cinquième dans Doctor Strange. Ouais. Puis j'aimerais ajouter un petit peu le MCU, là. Tu sais, là, il y avait une époque, là, où on dit, oh, Disney ont acheté Marvel. Puis on répète ça. Ça fait comme 5 ans qu'on fait le podcast. Fait que ça, c'est pas un thème récurrent. 4 ans, ça fait 5 ans qu'on a le groupe qui collecte. On a déjà fait un épisode sur Marvel, quasiment, à Disney. Ouais, on avait Marvel. Fait un émission. Ouais, épisode 4, là, genre, c'était mais, comme, oh, big nouvelle! C'était la grosse nouvelle dans le temps, puis tout le monde y avait toujours du hate, mais j'aimerais faire un gros respect, un gros shout-out à Disney pour Wars. Prendre soin de ces franchises-là, puis de bien les apprêter. Puis le MCU, à chaque fois que je vais voir un film de la MCU, je suis excité, j'ai hâte, et je suis rarement... En fait, je pense que j'ai tout jamais le temps été déçu. J'ai toujours eu du fun avec ça. Tu regardes toujours le monde qui se lève avant la fin des credits avec mépris. Ouais, on rit toujours avec ça. Mais là, on est rendu avec deux. Ça fait 2 ans, t'as pas catché, là? Mais on est rendu avec les deux end credits. Puis je vais toujours me rappeler, c'est quand je suis allé voir The Incredible Hulk, j'avais vu Iron Man, puis je suis comme, oh, c'est bon. What the fuck, un bon super-hero movie, c'était écœurant. Puis quand je suis allé voir The Incredible Hulk, là, je suis comme, oh shit. Le General est allé le voir pour dire qu'il forme une équipe. Puis là, je suis comme, pour de vrai, ça se passe, ça, là. Puis là, j'avais catché qu'est-ce qu'il faisait avec le MCU. Puis Doctor Strange ne m'a pas déçu. Puis là, t'as Spider-Man on the side, il n'y a aucun crise de rapport avec rien. Non, mais il essaye, le MCU. À Star Wars, oui, non, mais il y a une nouvelle de Spider-Man qui a droppé aussi, qui est quand même cool. Dans le prochain film de Spider-Man, Tom Holland, hein, c'est ça? Oui. Tom Holland ne punch personne. Il kick. Il donne aucun punch tout le long du film. Puis la raison, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que. Dans cette version de Spider-Man, Tom Holland est quand même très jeune. Fait que son premier réflexe va toujours être d'éviter le conflit avant d'actuellement puncher quelqu'un. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'il donne une vibe un peu différente à Spider-Man où le gars il découvre encore ses powers, le kit. Puis ça, c'est correct qu'on l'a vu dans chaque film. Mais tu sais, c'est pas du jour au lendemain, je deviens c'est combattant. Killer, c'est genre, comme ouais. Son premier réflexe à ce kid-là, même s'il y a une force surhumaine pis le kid, ça sera pas de donner un coup de poing d'en face à quelqu'un. Ça va être, je vais t'éviter, je vais te pogner avec mes toiles d'araignée, je vais comme faire des moves acrobatiques, des affaires de même. Fait que j'ai trouvé ça cool, petite aparité justement. Mm. J'ai hâte de voir le film de Spider-Man. Moi aussi. Mais est-ce que t'es prête pour une autre parenthèse dans notre parenthèse? Oh, là on commence à aller dans pas mal de niveaux de profondeur. Tu parles de Spider-Man qui donne pas de coup de poing parce que justement il y a une raison de storyline. Mais savez-vous pourquoi Neo de Keanu Reeves a pas donné coup de pied dans le premier Marvel, dans le premier film de Matrix? Parce qu'il est passé grand? Quelqu'un d'autre qui essaye? Tu me pognes par surprise. Il était tout simplement blessé et n'était pas capable de faire des coups de pied. C'est qu'ils ont comme j'ai jamais pas fait de remarquer entre le 1 et le 2. Je pensais et que c'était pour dire quelque chose, genre comme c'était Will Smith. Non, c'était juste parce qu'ils ont j'ai comme... pas remarqué ça, j'ai juste remarqué l'absence de scénario entre le 2 et le 3. Oui, entre autres, mais la raison pourquoi il se bat quasiment jamais avec ses pieds ou presque, c'est qu'il était blessé le 3 quarts du film, puis ils ont comme pas fait d'histoire, mais c'est pour ça que c'est un. Dans Spider-Man. Tu es un puits de savoir. Mais au moins, dans Spider-Man, il y a une raison qui est le fun, tu sais. André, il parle l'affaire de Neo du trou de scénario, là, puis je suis comme, on pourrait faire une émission complète de notre déception de tout ce qui est la matrice, tout en faisant une autre émission de tout ce qu'on aime de la matrice. Attends un peu, Eric, je pourrais te faire une émission d'une heure et demie sur la scène de rave dans The Matrix, pourquoi à quel point cette scène-là était écœurante, mais totalement merdique à la fois. Ouais. C'est comme si c'était une dualité. Ouais. Ça pourrait être live, tu sais. Autant que le film dure, on pourrait dire tout ce qui est mauvais. Prochain fucking Geekfest, on fait un show dédié à la scène de rave dans The Matrix 2. 100%. Willy. Mais en fait, moi, je dirais prochain show live, peu importe si c'est Geekfest ou pas. Zion! Ouais, c'est pas mal ça, mes nouvelles. J'aimerais juste je vais closer mes histoires. Juste en disant que j'écoute beaucoup des nouvelles téléséries qui ont sorti. Ben, en tout cas, moi, j'ai un top 3 de téléséries que j'aime en ce moment. I hear trolling. Le top 3 que j'aime bien. Walking le Dead. Numéro Walking 3, Dead. C'est ma découverte de l'année. Je regrette de jamais avoir vu les autres, mais c'est Black Mirror. Oh. Alors, regardez Black Mirror sur Netflix. Même si c'est saison 3, c'est comme un Twilight Zone, moderne, fucking must, Outer Limits, etc. Numéro 2 des téléséries, c'est une des téléséries vraiment cool que j'aime bien, c'est Westworld. Très puis, bon Westworld. Numéro 1, This Is Us. Oh, regardez This Is Us. Pas Walking Dead. Ça va être super bon. This Is Us, là, je pleure deux fois par émission. Il y en a une qui commence en ce moment, puis là, Julie, elle m'attend. Puis demain, on va l'écouter. Je vais me prendre une coupe de vin pour voir des larmes qui vont couler parce que je suis un esti sensible. Est-ce que ta coupe de vin va être aussi grosse que celle d'André? La tienne, non, la ben, tienne. Ouais. Elle va juste, juste remplir plus souvent. Moi, j'ai une chose à dire à propos de mes coupes de vin. Elles sont awesome. Elles sont généreuses. Guillaume, hey, ton actualité, c'est à ton tour? Oui, on va faire ça en rapidité parce que j'ai pas grandes actualités, honnêtement. Ça tombe bien. Ouais, mais on s'est pas mal éternisé sur le reste. J'aimerais dire aussi, avant l'enregistrement, t'as Guillaume qui est comme, c'est quoi ton actualité? C'est quoi ton actualité? C'est quoi ton actualité? J'en ai pas. Mais j'en ai quand même, j'ai pris des notes. Je m'en doute pas. J'ai joué côté geek classique, c'est-à-dire gaming et autres. J'ai continué à jouer à Metal Gear Solid 5, je suis rendu dans le deuxième acte. Ben des parachutes qui montent et, dans le ciel. Pour ceux qui ont joué au jeu, mon boss, là, le caractère principal, il est comme en devil mode, c'est que je suis toujours plein de sang avec une grosse corne dans le front, là, c'est que ça gosse, mais en tout cas, peu importe. La raison pourquoi j'ai pas beaucoup d'actualité ou pas beaucoup de d'activité geek, c'est tout simplement que je travaille beaucoup sur des trucs de web de ce temps-ci. C'est pas une activité geek, travailler dans le web. Ben oui, ben c'est du truc WordPress, là, puis j'ai des grosses nouvelles. Au prochain enregistrement, je vais parler encore plus de web, en fait, parce que je veux pas trop spoiler mes actualités de dans deux semaines. Donc c'est ça, c'est que je travaille beaucoup sur des projets secrets, des projets personnels, mes sites, j'ai deux de mes sites en ce moment qui sont comme en under construction, ils ont juste pas le petit gif animé du bonhomme qui pète la terre. Il devrait tellement l'avoir ce gif là par exemple. On peut-tu le ramener ce gif là? Oh, il est disponible, tu peux le trouver assez facilement ça sur le trouve, web. Ouais, On peut-tu le pitcher sur le site du collectif à quelque part puis comme juste on pourra faire un concours une bonne fois, trouver le bonhomme qui pèle de la terre gif animé puis vous gagnerez quelque chose. On a toujours plein de choses. J'ai un site de gif genre. Ah oui, Giphy, mais oui, Giphy, c'est comme la meilleure trouvaille corporate qui existe au monde. Mais donc, nombre des sites. Oui, exact. Travaille toujours dans le WordPress comme d'habitude. Mais sinon, j'ai découvert la bonne annonce de Ghost in the Shell qui a fait parler quand même beaucoup depuis est-ce que son annonce. T'as découvert ça ou non, tout le monde l'a sharé sur Facebook? Non, je l'ai entendu parler, puis j'ai comme décidé de pas aller le voir. Puis à un moment donné, je dis, je suis pas capable, parce que je suis un gros fan d'animé. En général. Ah, t'étais pas capable de regarder le non, je voulais pas aller le voir. Dans ça, je me suis dit, je vais essayer de garder ça comme, tu sais, pas me faire dire avant le show. Genre, puis à un moment donné, j'ai fait, je suis plus capable, faut que j'y aille. Puis j'étais sur YouTube, trouvé comme la bande officielle, tu sais, legit de la compagnie. Puis, j'étais séduit. Ben, c'était clair. Je vais être honnête, c'est vrai que j'avais un petit doute avec de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Moi, je pense que mais non, mais c'était juste une question d'avoir un doute. c'est pas un jugement de valeur ou autre. C'est juste, je sais pas ce qui s'en va avec ça. J'ai hâte de voir si ça va marcher ou non. Mais d'un autre côté, je fais pas partie de la gang qui chiale, tu sais, de l'appropriation culturelle parce qu'on l'écoute, l'animé original, Major, c'est pas évident. Je pense pas qu'elle a pas de l'air d'une asiatique. Elle a de l'air de rien. Et comme, elle a de l'air de Scarlett Johansson. Qu'est-ce que ça a l'air de rien? Non, mais elle a pas de l'air d'une asiatique. Elle a pas de l'air d'une caucasienne. Elle a pas de l'air d'une... Elle a de l'air de Scarlett Johansson. Une caucasienne, tu dis-tu? En passant, là, je veux pas te couper, là, mais on parle bien d'un animé que le style animé lui-même, c'est de whitewash tous les Japonais sur la planète. Oui, je suis d'accord. Là. Ben, c'est pour ça que je dis c'est ce qu'ils veulent. Ben, c'est ce qu'ils ont dirait que c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas de ceux qui disent, fallait absolument que Major soit joué par une Japonaise. Ouais. contre-fiche un peu. Puis ça vient ouais, un peu ce qu'on disait mais tantôt avec J'ai jamais vu une personne japonaise parler de cultural appropriation. C'est tout le temps non, des non, blacks. Mais c'est toujours... non, je dis ça de même, là, mais c'est pour de vrai. Il y a, ou les Indiens. Les Indiens, puis j'ai des amis indiens. Tu sais, cet argument-là. Les Indiens. Les deux, les Indiens. Si tu t'habilles puis tu fais des danses, là. Mais on s'entend qu'anyways, la culture japonaise, c'est du cultural appropriation à 100 000 à l'heure, là. C'est de l'américain. On va manger chez McDo, on porte des Reebok, ben ouais. Puis on trippe sur le gangster. Non, on s'entend que la culture pop japonaise est une pastiche un peu de la culture américaine et la culture pop coréenne est une pastiche de la culture japonaise. C'est qui est ça qu'ils sont plus hâte. J'aimerais te donner un props pour avoir utilisé le terme pastiche. C'est quoi ça veut dire? Une copie... Oh, OK, c'est bon, j'ai compris. Avec des éléments... Beauté, autres. Là. Fait que là, Ghost in the Shell, t'as trouvé comment, la bande-annonce? Non, honnêtement, j'ai été complètement séduit. J'ai fait, OK, ça va peut-être être un flop. Ça va peut-être être une réussite. Ça sera pas moi qui va juger. Mais c'est pas Dragon Ball. Je vais m'acheter un billet, quitte à y aller tout seul, un jeudi soir random. Ah, sacré. Tout seul. Ah, je m'en fous. Parce que séduction, Scarlett Johansson, tout seul. Je vais pas forcer ma blonde à aller voir du film caché qu'elle aime pas de toute façon. Elle aime pas des films d'action? Oui, mais pas des trucs trop geeks. Elle aime pas Scarlett Johansson. Ah, mais il y a un conflit. Ce que je dirais, c'est tout simplement aux gens, arrêtez de juger avant de voir le film. On le voit souvent, tu sais, des gens... Ah, ça va être poche, ça va être... Laissez la chance au coureur, que ça soit dans n'importe quel domaine, dans ce mot aussi. Puis ce qu'on voit à date, c'est... visuellement beau. Le film va être beau. Est-ce qu'il va être bon? On ne sait pas, mais ça va être beau. C'est ça qui compte. T'as-tu vu le shot per shot comparison? Non. Avec l'animé, là? Ouais, il y a une excellente compile, là. Je vais te le montrer après, si tu veux voir. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment pogné les shots du trailer qui vient de sortir en le comparant avec des shots du film, l'animé. Que moi, j'aimerais ajouter le film Ghost in the Shell après Akira. C'était mon deuxième gros tombage en amour de film animé. Ah non, c'était un chef. J'avais tellement trippé on sur ça. On partagera sa page. Puis j'avais joué aussi le jeu au PS1 qui était écœurant. Mais tout ça pour dire que le shot per shot, là, tu vois que du respect. Là. Comme tu vois là, que le monde qui ont fait ce film-là voulait faire ceux qui respectaient Eric, l'animé. Là. Avec tout le respect que je vois à tout le monde, là, il y avait un gun sur la tente d'une population entière genre « Don't fuck up! Sois respectueux! » Fuck pas mon animé, fait que tu sais. Ouais, mais on honnêtement, là, peu importe la décision qu'ils prenaient eux autres, c'était Scarlett tellement Johansson. Pile sur des coquilles d'œufs, pis oui, ça m'aide. Puis la minute que Scarlett Johansson est sur le top, puis elle drop son imperméable, puis elle est flambant, puis elle tombe dans le vide, tout le monde sur Internet une shot, comme... une shot okay. exacte de l'animé, en plus. Okay. Ouais. Mais tu savais, j'ai appris ça, en fait, aujourd'hui, par pur hasard. Une des raisons pourquoi Scarlett Johansson a été prise, sûrement, puis ils la verront jamais, parce que oui, elle est quand même talentueuse. C'est tout simplement que c'est une des vedettes nord-américaines qui vend le plus en Asie. Ben, ouais. On l'a vu avec... C'est quoi le film déjà de Luc Besson là, qui avait vendu super gros en Asie? Avec... Sicario? Non. Je sais de quel tu parles. Elle joue une espèce à l'aise à vous booster. Là. The Messenger? Ça, c'est Rachel McAdams, je pense, en plus, dans Sicario. Tu parles de Lucy. Lucy, ouais. Elle a comme le cerveau boosté, là. Puis juste, continuer, juste avant que tu continues sur ça, là. 20 ans passés, quand on a regardé des films comme Ghost in the Shell en animé, jamais on aurait pu rêver que qu'il y avait des grosses productions nord-américaines qui traitaient ces sujets-là avec même un peu de respect. C'est vrai que c'était bon, Sicario, c'était écœurant, man. Are you a wolf? Are you a wolf? Do you want to live among wolves? Hein, ça, c'est la ligne à la fin, là, hein, c'est de calice. La reine Elisabeth spoilers. Est pas heureuse dans ce film-là. Spoilers! Ok, mais, excuse, c'est André. Mais ça, c'est vraiment Ghost in the Shell, tout ça pour dire arrêtez de juger avant d'avoir vu le film. Sinon, dans mes tribulations de geekness de la semaine, j'ai call out un artiste, puis je suis fidèle à ma shot en tabarouette. Ceux qui ont écouté notre épisode live en direct de Arcade Montréal se rappelleront que j'avais parlé d'une nouvelle BD qui s'appelait Renato Jones, The 1%, qui est une création 100% de Kyrie Andrews, qui est un artiste de BD canadien et aussi réalisateur, écrivain de films. Mais c'est un des artistes, quant à moi, qui est le plus talentueux et qui se fiche le plus des critères, des protocoles établis dans la BD. Lui, il a fait une série de covers pour Star Wars, les BD Star Wars, puis il les avait en peinture. Son Renato Jones, son style d'art est comme complètement éclaté. Je veux dire, lui, il fait ce qu'il veut, puis il est pour la création indépendante des artistes, puis il est vraiment talentueux. En fin de semaine, c'était la Fan Expo de Vancouver. Il a posté sur Facebook des sketchs qu'il a fait, puis j'étais comme, je n'ai en partagé un au gars du Geek Collectif de Raphaël, puis c'était comme du watercolor noir et blanc, puis c'était fucking mongol, là. C'est rare que je sacre au collectif, là, mais c'était fucking, malade. Ben, officiellement, c'est pas un fuck, object, les gars. Je pensais que c'était un adjectif qualificatif. C'est un sac. De grandeur. Oui, en effet, mais c'est un sac. Mais peu importe, c'est trop beau. C'était excellent. Il a fait aussi, les noms m'échappent, là. Je suis comme, le mot que j'ai cherché, c'est j'étais subjugué devant cet art. Tabarnak, Guillaume. Et là, j'ai juste call out l'artiste. J'ai dit, hey, Carrie, where can we buy this online? Il a fait, nulle part encore, mais je pense I'm gonna have to rectify this. Oh. Puis là, il y a eu comme 14 personnes qui ont reply genre oui, rectify ASAP, parce que le gars, honnêtement, j'ai peur quand sa boutique va être en ligne. Je vais sûrement falloir que j'aille une discussion avec ma copine parce que je risque de trop dépenser. Shout out aux artistes de talent. Et si vous êtes un artiste de talent qui m'écoutez en ce moment ou en rediffusion ou dans le futur, mettez vos shit en ligne, en vente. Regardez Marie Bergeron, ça marche. Faites ou comme sinon, partagez-nous vos œuvres. On a des beaux murs blancs derrière. Ici, on va pouvoir les afficher. En effet. Et aussi, je finis avec ça. Certes. C'est Noël qui s'en vient, Black Friday. B&H Photo sont arrivés avec leur catalogue. J'ai comme pleuré en dedans de moi parce que justement, je vais encore falloir que je dépense. Pleurer en dedans, c'est, ça doit être éveillé. C'est comme, c'est comme ceux qui connaissent pas dedans, B&H, c'est comme un genre de LL Lozo, genre fois 1000, qui maintenant font du free shipping au Canada sur les, mais. Shots fired LL Lozo. Non, mais ils sont corrects, LL Lozo, mais c'est juste, tu peux juste pas combattre New York, tu sais. Non, New York, c'est comme le monstre. Vous êtes juste 1000 fois moins hot. New York, mais, quand ils arrivent avec leur gang puis ils font des dance-off, là. La seule problème, c'est que. Can you dig it? J'ai bien hâte que le taux de change s'améliore parce que, en ce moment, à 70%. Mais là, Trump, là, ça va être America great again. Oh, yeah. Mais, hey, en passant, on a aucunement mentionné, justement, c'est la première réflexion sur Trump, là. En passant, Trump est président. Les compresseurs. Il n'est pas encore president-elect. En janvier, il va aller les codes nucléaires. Moi, je veux juste terminer là-dessus. Je veux inviter les auditeurs, justement, en prévision, parce qu'on a fait aucune joke politique. Mais avant, là, juste pour le livre à Guillaume, as-tu des affaires intéressantes à acheter là-dedans? Ou? Ben, il y a des micros. Il y a des micros à condensateur. Il y a des compresseurs audio. Pour ceux qui font du podcast, il y a une section complète que je peux trouver du Behringer. Behringer est une marque que j'apprécie énormément dans la production audio. Il y a des appareils photo. Pour ceux qui s'en rappellent pas, j'ai déjà mentionné dans des épisodes passés que ma copine est enceinte. Donc, au mois de mars, il y a un mini moi féminin. Donc, un prendre mini des L photos du bébé qui va sortir. Et je vais pouvoir en profiter pour magasiner mon upgrade d'appareil photo qui va aussi servir pour mes projets personnels. Fais-y un podcast au bébé, tu crées un micro à côté. Non, mais. Quand il broye, t'enregistres un je vais avoir des projets avec mon fils de 9 ans qui vont commencer bientôt. Yeah. Parce qu'il me le demande. Puis, tu sais, hein. YouTube Money, why not? Ben oui, ça parle au Québec. C'est que c'est ça. C'est que ceux qui connaissent pas B&H Photo, sur quelle planète vivez-vous? Si vous voulez le catalogue, allez sur le site web, vous marquez votre courriel, votre adresse à quelque part et vous l'envoyez. Et sur ces excellentes nouvelles, ben on va prendre une courte pause. Ravitaillement et papy. Et oui, j'ai certainement dit. Petit papy papa. À chaque fois qu'on dit ça, on viole un copyright. Ça saigne. Il y a un copyright qui a mal. François Pérus. Click and dish. François Pérus. Quand on passe sur pause, ça fait-tu click and dish? Click and dish. OK, on va arrêter de faire des jokes de Pérus. J'ai l'impression qu'on va se faire poursuivre. Mais donc, guys, c'est la fin de l'actualité. On va être de retour dans quelques minutes. Ça va être tout simplement. Skidou, on peut-tu laisser ça dans le cours? Tabarnak. Sur ces paroles de sagesse, pause publicitaire. De retour dans 2 minutes. All right, we're back. Yes, we are. We're back in black. Question, back again. C'est quoi qu'on parlait de juste avant? Je sais pas, man. Anyways, on n'a plus besoin de penser. On est dans l'univers de Trump maintenant. That Trump America. Plus besoin de penser. Plus besoin de penser. Fuck penser. On laisse fuck les penser. Choses aller. Trump est élu. Penser, c'est tellement 2015. Il pense pour nous. Ça, c'est outtake shit, right? Non, en fait, t'es live, là, aussi. Ouais, ben... Non, mais le monde te voit pis t'entend. Non, mais c'est correct, là. C'est correct. Non, mais c'est juste... Sonnerie de téléphone. So, Trump, il est élu président des États-Unis. Le weed, il est légalisé dans plein de fucking États aux États-Unis. Nous autres, c'était au printemps. What the fuck is going on, man? Trump. C'est... Quoi? Je comprends rien. Moi, je comprends pas ce que tu dis. André! Tar Sands, fuck! Arrête avec ça, le système est corrompu, règles à accepter, comment est-ce que le monde va voir les choses. Puis toi, tu vois pas. Toi, tu vois pas. La pipeline, André. T'es-tu aware? Man, man, sois donc fucking aware de les choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Toi, là, tu connais rien dans comment est-ce que les vraies affaires fonctionnent. Mais... Ah, mais toi non plus, tu connais rien de comment c'est. Sais-tu pourquoi qu'on comprend rien? C'est parce qu'on est des white cisgender males. Tu veux un mouchoir? Arrête de jouer la carte de la race. Eric, tu veux un mouchoir? Arrête. Tu veux un mouchoir? Non, je veux pas de mouchoir. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une des choses les plus. Moi, j'aime le fait qu'il rit un peu par là, qu'il gueule. Qui se passe sa planète? Parce que toi, tu comprendras pas. Chemtrails. Le jet fuel doesn't melt steel. Son Jean-Claude Van Damme, lui, là. Son opinion ne compte pas, il a un pénis. J'ai dit ça de même. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'était raciste. J'avoue que j'ai ça. Assumé ton genre, là. J'ai assumé. Là. OK, les boys. Welcome back. C'est un podcast geek, hein? Gay? Non. Comme dit... geek! Comme dit Kekia sur Twitch. Des vraies affaires. Non, on parle des vraies choses. C'est qui a dit ça sur Twitch? Kekia. Shout-out à Kekia. Shout-out à Kekia. Merci. Mon rant venait du cœur. Oh, on a Rock Charles qui vient de dire « The Flash est fini, je suis là, salut. » Content de voir que t'as les priorités à la bonne place. On passe après The Flash. Attends, on passe après Reverse Flash. Oh. En tout cas, Wally, le noir, habillé en jaune. Vous avez-tu fait de Charles à Leonard Cohen? C'est un complot de la campagne de Clinton. Eric Milter va faire un tribute touchant à Leonard Cohen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est le bout là. Alléluia. Imaginez que j'étais habillé en live Hillary from New Clinton. York, this is Saturday Night Live. Hey, elle, je checkais même sur Google. Kate McKinnon là, a killé ça. Mais elle est cute avec les cheveux longs, mais avec les cheveux courts, elle a l'air trop lesbienne. Penses-tu d'Hillary Clinton, là? Kate McKinnon, c'est Kate McKinnon. Non, elle est comme une morph de tout ce qui est non, awesome. Non, mais en tout cas. Just Kate saying. McKinnon, man. Admettons Ghostbusters, c'est le meilleur film. Donc, de retour de cette courte pause. Nous autres, on remplit les vides, tu sais. Ben, et Dieu sait que vide il y aura. Donc, sur ces paroles pleines de Pabst Blue Ribbon et de fin du monde. Guys, on a décidé de parler d'un sujet qui nous touche ce soir parce que là, on vit quelque chose en tant que gamer qui n'a jamais existé. Gamer consommateur. Consommateur aussi, là. Milter agite le point, donc c'est sérieux. On est consommateur là-dedans. OK. Old man shouts at Ça me fait penser à Zamat Bagatov dans Borat avec le rubber fist. Là, ouais. Les choses se passent. Moi, je suis surpris que tu connais le nom de cet acteur-là. C'est pas le nom de l'acteur, c'est le nom du personnage. C'est Zamat Bagatov. Ça aurait pu être le nom de l'acteur. Fait que, oui, ça aurait pu, effectivement. Bon, OK, t'as peur, là. Il n'y a pas dans ce monde de plus grand bonheur. OK, bon. Guys, il y a une demi-génération de consoles qui a été annoncée. Puis là, par demi-génération, on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire. En réalité, là, présentement, on est dans la génération de PlayStation 4 et Xbox One. Communément appelée la 8e génération des consoles. Merci, Guillaume. On rentre-tu la Wii U là-dedans? Ou la Wii U, la Wii U fait partie de la 8e génération. C'est mon Nintendo, c'est comme le gars dans la course en sac qui arrive à la fin puis qu'on lui donne la médaille de participation. On dirait qu'ils sont tout le temps dans le demi. Mais je devrais dire, dans ce cas-là, ils ont devancé tous les autres consoles de littéralement 2 ans. Est-ce que la attends, ça valait-tu la peine? De quoi tu veux dire? Parce que Nintendo, eux autres, ils font des demi-générations, ça fait des années. C'est pas, on parle pas de demi-génération, on dit la 8e génération des consoles, historiquement parlant, là, c'est les consoles actuelles. Donc, on parle de Wii U, PS4 et Xbox One. La Wii U est sortie 2 ans avant la PlayStation 4. Donc, ça paraît aussi, hein? Oui, en effet. C'est le, j'y arrivais. C'était... Donc, en réalité, on vit une demi-génération de consoles, mais là, c'est la première fois que ça... Ben, non, je peux pas dire que c'est la première fois que ça enflamme les internets, mais il y a une... C'est parce qu'Internet n'existait pas avant. En fait, Internet est constamment en feu. Ouais. Internet, c'est comme le feu de tire qui brûle, ça fait 20 ans, puis personne ne sait comment l'arrêter. Dans Springfield, genre, Springfield, oui. Non, il y en a. Mais en réalité, là, c'est ça, c'est que là, il y a une demi-génération de consoles qui sort, et cette demi-génération-là a été confirmée. Donc, un PlayStation 4 Pro, et on a du camp de Microsoft qui nous annonce Scorpio qui est... Mais il n'y a pas la Xbox One S. La Xbox One S, pardon. Donc, il y a une demi-quart de console. La Xbox blanche. Là, ce soir, on va avoir une table ouverte. Premièrement, je veux mettre la table. Bouh, mets la table. Nous allons parler de vraies choses. Je connais ce sujet en passant. En tant que consommateur, les opinions et propos de la prochaine demi-heure 45 minutes du collectif sont les opinions et les propos de chacun des individus autour de la table. Le collectif, aussi étrange que ça pourrait paraître, se dissocie totalement des choses qui vont se dire dans les prochaines 30 minutes, 45 minutes. Fuck you, Sony! Fuck! Donc, en réalité, on va parler entre nous autres de c'est quoi cette génération de consoles-là? C'est quoi une PS4 Pro? C'est quoi un Microsoft Xbox Scorpio, quelque chose de même. Pourquoi qu'on en veut une? Pourquoi qu'on n'en veut pas une? Est-ce que c'est bon pour le consommateur? Est-ce que c'est pas bon pour le consommateur? Donc, on va débuter en parlant un peu de la mise en contexte. Rick, il fait des Guy, je vais te céder la parole, mais là, Eric... Je vais te poser une question. Eric, parce il y a le de DMX en tant qu'animateur, mon rôle est non seulement de divertir les masses, mais également de faire du renforcement positif. Eric, tu as levé la main, donc j'estime que tu vas apporter quelque chose de pertinent, de réfléchi et de constructif. Et de constructif à la conversation, surtout d'entrée de gamme quand on fait le build-up du sujet. Ok, garde, je veux juste dire qu'avant qu'on continue loin dans la discussion, le marché change, le marché évolue, puis on est dans un moment de transition en ce moment où ce que les consoles de jeux vidéo comme qu'on les connaît ne fonctionnera plus comme qu'on le pense. Écoute, ça... Je suis ému parce que ça, c'est ma paye en tant qu'animateur. Eric, je tiens à te remercier. Ça fait plaisir. Non seulement tu as levé la main avant de parler, mais tu as apporté un argument de poids concis et constructif à la conversation. Et la concision est quelque chose de très difficile au Geek Collective. C'est incroyable. Eric, je tiens à te féliciter. Tu as actuellement dit quelque chose qui, d'entrée de gamme, se tient debout et aide à la conversation. Et j'ai pas fini. Ah, ok. Oh, on l'a coupé en plus. Deal with it. Oh! Donc, Guillaume, place la table un peu. Là. Oui. Explique-nous qu'est-ce qui se passe. Donc, pour contextualiser notre conversation de ce soir, on va commencer avec la cinquième génération des consoles. Qui est quelle? On parle de la console qui la génération qui est venue de la naissance de la PlayStation originale et qui comprenait aussi la Saturn, la Nintendo 64. La sixième génération. Cinquième. Ah, je pensais que t'as dit PS2. Non, PlayStation original. Suis, Eric. Combien de versions de 3DO? On rentre pas dans le 3DO. Je parle des... Focus, Eric. Focus. À l'exception de mes... Il y a du monde qui l'ont trouvé drôle. À l'exception de mes name drops de Sega, je parle des trois gros joueurs. Pourquoi donc, Sega n'est pas un gros joueur? N'est plus. Ah. Mais ils font des grosses arcades. Donc, c'est vrai. La cinquième génération et la sixième génération ont eu le même type de comportement. C'est-à-dire qu'ils sortaient dans les mêmes années les consoles originales. Donc, exemple, en 95, on a eu le droit à la Saturn, la PlayStation et la Nintendo 64. C'était la cinquième génération. Par la suite, Sega, dans un effort un peu désespéré, a devancé ses concurrents pour la sixième génération de presque un an. Ils ont sorti la Dreamcast. Puis on n'en parle plus de Sega après ça. Mais après ça, en 2000, il y a eu la PlayStation 2. Et 2001, on a eu la Xbox et la GameCube. Est-ce que... Puis là, il me semble que j'ai vu un post passer sur Facebook aujourd'hui, si je ne me trompe pas, mais la Xbox régulière n'était pas sortie le 15 ou le 16 novembre? 15 novembre 2001. Donc aujourd'hui... Exactement, c'est les 15 ans du Xbox. Exactement. Hey. Bonne fête Xbox, bon fight, 15 ans. Shooter. 15 ans, tu bois ta première tornade. Il nous fallait un risque d'avoir un boner weird à la fin de la soirée puis aller chez vous puis être frustré sexuellement. Adrien, il est la tornade en plus. Mais moi, j'aurais mis du MLG Sound Horde. Bullback. Nous autres, on appelait ça des Mike's Hard en Ontario. Une bullback. Attends un peu, vous autres, vous aviez des Mike's Hard puis nous autres, on avait de la tornade. Non, la Mike's Hard, on l'a eu aussi. La Mike's Hard. Par après. Mais c'était à peu près le même temps. La tournant, Two Dogs puis, aussi. Ouais, Two Dogs. Ça, je me suis foutu avec la Two Dogs. En passant, la Xbox originale, c'est une des consoles, je trouve, qui a vraiment montré le premier signe de cette évolution-là que j'ai mis, que j'ai parlé d'un petit peu au début. Parce que c'était une des rares premières consoles. À avoir un port Ethernet. Ben, il y avait Ethernet, c'était une chose, mais c'était un PC. Fait que cette console-là, c'était du free R&D pour Microsoft. Microsoft, eux, ils ont compris la game des consoles, ça faisait long. Eux autres, là, quand ils ont rentré là-dedans, là, avec ben du fucking cash, là, ils ont compris c'était pourquoi, puis c'était quoi le but. Puis la première Xbox, comment est-ce qu'elle est sortie, puis qu'est-ce qu'ils nous ont offert pour le prix et la liberté qu'ils ont offert à les passionnés à jouer avec, là. C'est hallucinant. Ma Xbox, le gros fuck you qu'ils ont donné à Apple en sortant Halo. Ils ont, ouais, ben ça, c'était la faute à eux, là. Ils ont manqué ça. Eux autres, Pépin, il l'a manqué par une couple d'années. Mm-hmm. C'était proche, là. Ils l'ont juste manqué par 4-5 ans. Mais le Xbox original, là, de modifier ça, d'avoir des media players connectés là-dessus, t'avais ton vrai PC. Dans le temps, on appelait ça un set-top, black box. C'était le set-top box là, qui fait tout. Ouais. Ça, c'était le futur. Dans les années 90, quand on parlait d'une console qui jouait des jeux vidéo, qui regardait des films, qui allait sur l'Internet, qui faisait tout ça, ça commençait à germer, ça. Mais, en passant, effectivement, Éric Théroux sur Facebook, 15 ans du Xbox et personne ne parle sauf vous autres. En fait, shout-out à Kinda Funny. Je sais que je suis un fanboy. Qui? Kinda Qui? Funny, évidemment. C'est des gars de PlayStation, mais ils ont très bien... Faites un shout-out à Xbox. Ils ont parlé beaucoup du 15e anniversaire. Mais je pense que en passant, méga shout-out à M. Théo, là, vraiment chic type. Mais je suis d'accord. Ouais, chic type, mais soyons aussi réalistes. Mais. PlayStation. Mais ouais. Non, mais Éric Théo est un chic type, virgule. C'est ça. Puis là, je veux continuer. Ben. En réalité, ce que je veux dire, c'est que Xbox ont leur place puis ont leur mérite aussi. Ben parce oui. qu'un monopole n'est jamais bon pour personne. Non. Et le fait que Microsoft ait fait leur entrée. Aujourd'hui, il y a 15 ans, c'était bon pour l'industrie du jeu vidéo. Toujours. Ça a créé des bonnes choses. Donc, oui. Ce qu'on en disait, c'est que ensuite la 6e génération... C'est rendu à Game Boy SP, là, right? Je ne parle aucunement de console okay. portable. Ben, il y a des multigénérations dans Game oui, Boy. Oui, mais on n'en parle pas des consoles portables. Calisse! Rick, suis! Focus, Rick, calisse! Épisode dans le futur. Donc, la 6e génération PlayStation 2, Xbox et GameCube, qui sont sortis pas mal toutes en même temps, à part la PlayStation 2 qui est sortie un an d'avance... Eux aussi ont suivi le même protocole, c'est-à-dire, quand je dis ont suivi le même protocole, c'est que toutes les générations sortaient en même temps, il n'y avait pas de demi-génération, de tout ça. Par contre, à la fin, c'est-à-dire quand la génération suivante sortait, les compagnies comme Sony sortaient une édition renouvelée. Exemple. Oh, une slim version? La première qu'on a vue, c'était la PS1. Qui est sorti le 7 juillet 2000. Donc, qui avait un écran LCD aussi. Qui est sorti deux, trois. La PS1 n'avait pas d'écran LCD. L'arrivée des analogues. Avait un écran LCD pour, oui. Ouais. Eric, il y a eu l'arrivée des analogues sur la PS1 aussi. Exactement. Mais c'est ça, c'est sorti trois mois. Il y avait ça sur la PlayStation avant. C'est sorti trois mois avant la PlayStation 2. Donc, en fait, ce que Sony fait, c'est on va essayer d'aller chercher plus de... Oui, mais les gens qui ont peut-être pas embarqué les casual avant que la grosse console sorte. Par contre, ensuite, ce qui est arrivé, c'est que là, on a vu dans la 6e génération la première mi-génération. Ça a été la première fois qu'il y a eu un essai. Donc, 4 ans après la sortie du PlayStation 2, ils sont sortis avec la Slimline, la PlayStation 2 Slimline, qui est communément appelée la PlayStation 2 Slim. Ou le Top Loader. Aussi. Mais il faut faire attention, il y a eu deux versions de PS2 Slimline, officielle. Il y en a eu plus que ça, mais il y en a une gang qui sont restées au Japon. Donc, c'est ça, le 1er novembre 2004, la Slimline est sortie, 3 ans après le début. Et, par contre, on suit le même pattern que la génération précédente. C'était un an avant la sortie de la 7e génération. 7e génération, pour ceux qui suivent, la Xbox 360 et la PlayStation 3 et la Wii. Donc, un an avant, la PlayStation 2 Slimline sortait. Et là, on vient avec les nouvelles générations. Mais il y a eu un effort en juillet 2007 de Sony de sortir une nouvelle PS2 encore plus slim et plus améliorée, la série 7900, qui est, je pense, un peu marginale. C'est drôle que tu dis 7900 parce que Atari ont fait la même chose avec la 7800. Ah. Qui était une genre de réédition de la Atari aussi 2600. Et Dieu sait que ça a bien fonctionné pour eux. Ça a tellement pas bien fonctionné. C'était un genre de panic move, là, console absolument horrible, très grosse. Mais ok, excuse, continue. C'est correct. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la 7e génération a été vraiment l'adaption officielle par l'industrie, à part Nintendo. Des mi-générations. Laisse-moi finir ma phrase au moins. Des mi-générations. Donc, 3 ans après la sortie de la 7e génération, on a eu l'apparition de la PlayStation 3 Slim et de la Xbox 360. Donc la Elite, la... Ouais, la arcade, la Xbox 360. Il y a eu la Elite, il y a eu l'arcade, Messieurs, je m'excuse, je vais être obligé de faire le... Là, il a compris le truc, il lève la main avant de parler. Eric, ça fonctionnera pas toute la soirée. Ça. OK, mais ça fonctionne ce coup-là. Vas-y ce coup-là, je te donne le droit de veto. La Wii. Est-ce que c'est pertinent? Oui. La Wii elle-même, c'est une mi-génération de la GameCube. Oui et non. Parce que c'est une GameCube. Oui, mais elle a pas le même branding, pas la même mais suite c'est logique. GameCube. C'est une autre génération. C'est un cœur de GameCube, mais c'est une autre génération complète. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est les entrepreneurs du jeu vidéo. Je vais donner la parole. Les entrepreneurs du jeu vidéo, Eric Hébert te dit straight up live. Il y a de quoi là. Que la Wii, c'est une GameCube. Oui, mais ça, Eric, tout le monde le sait. Je t'inviterai à prendre une gorgée de cette succulente. C'est encore sa fin du monde. Merci. C'est pas bon pour Guillaume, mais je me ferme à gueule, Guillaume. Donc, la 360S. En fait, je dois me corriger. J'avoue que je me suis fourvoyé. Parce que en novembre 2012, on a vu l'apparition de la 8e génération et la courante avec la venue du Wii U. Mais un mois après, il y avait la Wii Mini qui est sortie. Cette succulente Wii Mini à 60 Oh, oui, avec pas de Wi-Fi. What the fuck are you guys thinking? C'est un peu pourquoi j'ai comme oublié qu'il y avait une mi-génération, parce que c'est comme Nintendo une genre aussi, de sad excuse for. Mais ouais, exact. Nintendo, ils ont juste un GameCube pendant 10 ans. Mais il y a eu une genre de troisième mi-génération avec la Xbox E qui est sortie juste avant la Xbox One. La noire, elle est très belle. Juste avant. La Elite. Un an avant. En fait, qui mimique le look d'une Xbox One. Mettre dans une boîte de Xbox 360. Il y a ce de aussi. Ouais, aussi. Donc, c'est ça, mais après ça, on a eu l'apparition de... Il y a eu la première Elite, puis il y a eu la deuxième Elite. Ouais, mais c'est ce que moi, j'ai eu la première. Si vous faites un peu de recherche sur Wikipédia et autres, la nomenclature des consoles de Xbox 360, ils réutilisent énormément les mêmes thèmes à travers les différentes itérations. Ouais, mais c'est un peu confondant. En fait, ton explication de l'histoire, je la trouve très bien, hein. Mais je trouve aussi qu'en parlant de la 7e génération, t'as la PlayStation puis Xbox, c'était les premières consoles à tenter d'avoir des multiples différents modèles. Oui. Fait que je sais pas comment ça compte, mais t'avais deux versions de la PlayStation 3, puis t'avais deux versions de la Xbox. Mais c'est ce qu'ils faisaient au launch, là, t'avais des différentes versions aussi. Là. Ouais. Xbox ont toujours été plus poussées dans le branding marketable, tu sais, comme la Halo version, puis PS3 PS3 ils l'ont sorti tout de suite avec la 20 gig puis la 60 gig. Il y a eu la God of War edition. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est les specs dans le sens que une arcade, t'as comme 1 gig puis that's it, là, comme fuck. C'était 20 gigs, 60 gigs, c'était la grosse. Après, t'as eu la Elite, 500 gigs. Permettez-moi de surfer là-dessus, mais un peu afin d'accélérer le processus. Merci, Guillaume, pour les recherches. Mais effectivement, le move de Microsoft, où on a vu la première segmentation de marché, Xbox 360 Arcade Edition, la Regular Edition qui avait le disque dur de 60 gigs, et ensuite l'arrivée de la Elite, donc built-in Wi-Fi, etc., etc. Microsoft, à partir de la 360, mais en fait à partir de la Xbox, ont été assez transparents dans leur jeu où ils voulaient apporter le marché de Microsoft vers un marché très PC, très set-top box, très multimarché, où le PC gamer, le elite PC gamer, avec le vent dans les cheveux puis le chest bombé, trouverait un peu sa niche. C'est qu'en réalité, tous les révisions de consoles étaient assez soft. Si je prends, mettons, pour Sony, où Guillaume, en faisant tes recherches, t'as trouvé qu'il y avait des différences entre les PS3 Slim, les PS2 Slim, etc. Mais en réalité, pour le consommateur, c'était pas marketé de cette façon-là. Non. Versus Microsoft qui marketait carrément, où je me souviens, ayant été dans le retail derrière le comptoir, et Eric aussi, lors du lancement de la 360, où t'avais des gens qui venaient acheter une console et les gens voulaient le Starter Edition de la 360. Puis quand t'en avais plus, puis tu disais, ben, il me reste plus de Starter Edition, il me reste juste la Arcade Edition. Oh! Ben là, il reste juste la arcade, c'est la console de pauvre. Ouais, mais tu peux acheter le disque dur puis le mettre dessus puis ça va être le même kit que l'autre. C'est ce que j'ai fait. Ben non, mais là, c'est la console de pauvre, il n'y a pas le disque dur puis c'est pas le... Donc, il a vu le c'était un peu le premier lancement des consoles, comment je peux dire, qui amenait un peu la vibe PC Gamer où, ben là, c'est une Voodoo, ouais, c'est une Voodoo 3D, Ta carte graphique a combien de megs de RAM ou de gigs de RAM maintenant? Dès qu'il y a une affaire, mais il faut faire attention par contre, parce que toutes ces variations-là, à quelques exceptions près, parce qu'on regarde vite, là, entre la PS3 et la PS4, il y a eu 8 ans, et entre la Xbox 360 et la Xbox One, il y a eu 9 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de temps pour justement mettre en marché ces itérations-là, mais règle générale, surtout dans le PlayStation et un peu dans le Microsoft, le rendering power, c'est-à-dire le pouvoir de processer le jeu, restait sensiblement le même. Qu'est-ce qui arrivait? Pardon. C'est que la console devenait plus mince, produisait moins de chaleur, faisait moins de bruit, avait un power supply plus petit ou un power supply built-in, avait un casing différent, un casing R2-D2, un casing C, etc. Mais à la base, ton processing power, ton rendu à l'écran, ton frame per second restait à toute fin pratique la même chose. Il y avait des petites... Mais c'était excessivement mineur. Ouais. Contrairement à où ce qu'on s'en vient avec le débat d'aujourd'hui, où ce que maintenant, après, si on regarde... C'est 4K à Star, c'est carrément une autre affaire. Ben, ou 2.5K et whatever, mais on parle de... Mais c'est deux ans quasiment jour pour jour. C'est pas du 1080p sur ma PS3? Avant qu'on... 960p. avant qu'on voit l'apparition des nouvelles générations. Xbox One versus Xbox One S, il y a un rendering power de plus. C'est pas juste comme dans la génération précédente, puisque c'est un nouveau case. Il y a plus de jus dans une Xbox One S. Il y a du 4K, il y a du HDR, il y a ça. Entre une PS4... High Dynamic Range Gaming. En effet. Entre une PS4 Pro et une PS4... Théoriquement, entre une PS4 Slim et une PS4 ordinaire, c'est exactement la même chose. Théoriquement, on parle d'un rebranding classique comme on parle d'une économie de coût de production. Exact. Ouais. Shout-out à ceux qui font des fausses nouvelles en essayant de brûler leur PS4 Slim de l'extérieur en le faisant croire que ça a brûlé de l'intérieur. Ça. Gros trend sur Internet cette semaine. Y a-tu vraiment un trend comme ça ou t'es allé sur subreddit? Non, je suis vraiment, ça m'est arrivé, ça me l'a demandé sur mon... OK, sur une échelle de Kotaku à... N4G, mettons, sur quel site ça se retrouve? Hey, ça fait longtemps que je parlais sur N4G. Je te dirais que c'est arrivé sur des groupes de gaming sur Facebook. Mon Dieu, c'est horrible. Moi, je le dis souvent, mais moi, il y a un moment dans ma vie où j'ai choisi entre deux places. En fait, deux fois dans ma vie. Une fois, j'ai choisi entre une Genesis et une Turbo. J'ai choisi la Turbo Graphics. Puis un autre moment, j'ai choisi entre Reddit ou N4G. J'ai choisi N4G. Fait que dans le fond, Eric, t'es tu fais juste du mauvais choix. Ah, mais ça, Turbo Graphics vaut pas mal plus cher maintenant que Genesis. Ouais, mais c'est un point intéressant. Guillaume, il parlait justement de la nouvelle demi-génération qui va sortir, la PS4 Pro et le Scorpio qui est... Mais Scorpio, là, est pas sorti encore. Elle est pas sortie encore, puis elle semble être plus une... Est-ce que je parlais à mon point? Oui, de... tu peux. Vas-y. Fait que moi, j'ai un Xbox. Si c'est ce que tu parles, Xbox. En fait, j'ai pas d'Xbox. Déçu. Dans ma main, présentement... Attends un peu. Je veux juste non, j'ai fait une erreur en disant Xbox. Je voulais pas tu dire ça. Tu fais-tu une référence lugubre? Non. OK. Alors, dans ma main, j'ai un iPad Air. Super de bon produit. Sur le iOS, en ce moment, t'as des jeux qui sortent. Je peux télécharger, par exemple, je sais pas, Asphalt... qui est un excellent jeu avec de course, deux S. Asphalt? Asphalt de Game Love. Asphalt Racing, là, si on va dire au 8e. Ok, on joue pas la même chose. C'est comme du Burnout. Toi, t'aimerais bien ça. C'est comme du Burnout. Mais je l'ai sur ma iPad Air. Je le joue sur ma iPad Air. Ça marche bien sur ma iPad Air. Mais il y a une iPad Pro. Et je joue mon Asphalt sur un iPad Pro. Les graphiques sont plus beaux. Tout roule mieux. Tout roule plus beau. Les consoles de la maison s'en va dans cette direction-là. S'en va dans la direction des cellulaires où ce que ça reste standardisé. Puis quand tu achètes une nouvelle console, il y a du monde qui vont jouer Gears of War avec un plus bas framerate parce que c'est la... Ah, tu joues sur une Xbox One? Bro, moi, je la joue sur ma Xbox fucking One S Scorpio Edition et ça roule crissement mieux que sur ma console. Sur ma TV, mais HoloLens. Exactement. Attention, One S Scorpio. Non, faut pas les mélanger. OK. Keep with the program. Tout ça pour dire que la Scorpio, on sait pas c'est quoi encore, mais on je pense que... On parle de late 2017, entre autres. Ouais. Puis je pense sincèrement que c'est Microsoft qui va all-in sur mon concept. mais mon concept. Qu'est-ce que je pense c'est que la direction... Ça va être un but qu'un brevet, là. J'ai pas de brevet. J'ai juste une vision. Ça va être le iPad Pro des consoles. Mais les consoles... Toi, t'as une vision de même, moi j'ai des visions de Val Kilmer qui meurt. Mais c'est stéroïde en tabarouette. Ouais, parce qu'il y a du culot en crise dans Scorpio, d'après juste qu'est-ce qu'ils ont annoncé. Scorpio, c'est un high-powered PC dans un Xbox case. Mais c'est ça l'affaire. C'est un comme un Steam Machine. Ben, genre, mais l'idée, là, puis Microsoft, pour une fois, je pense qu'ils sont un peu en avance de tout le monde sur ça. Ben, ils ont pas le choix d'être en avance. Ça sort en fin 2017. Ben, dans toute l'affaire de console mi-génération, là, on a la PS4 Pro, que je comprends à zéro. Qui est un semi-fail, honnêtement. C'est ça. Puis on a la One S. La Scorpio va être la première vraie, mais vraie, console mi-génération qu'on parle de, qui va être un gros upgrade, mais qui va continuer, la même mais affaire, qui va transporter ton expérience de ta One à un nouveau casing, tu comprends? Je suis d'accord, mais il y a une chose par contre. Vas-y, ton mate c'est Phil Spector, c'est même moins bonne, le genre de PR dude en chef de Microsoft. Yeah, le dude Phil Spector. À ne pas confondre avec Harvey Spector. Pas Major Nelson. Pas Major Nelson, non. J'ai vu sur les derniers, il est sorti en disant que avec la Scorpio, c'était leur nouveau modèle d'affaires, où ce que je ils voulaient sortir une nouvelle console qui est comme itérative. Donc, comme un cellulaire. Exact. Mais c'est ça, j'ai commencé avec l'iPad. Ben oui, mais je fais juste le Guillaume a le meilleur argument. Là, arrête de vivre dans le passé. Je build. C'était là 2 minutes. Ça, je build sur son argument avec du concret des gens de Microsoft. Puis ils disent que justement, leur objectif, parce qu'on s'en rend, c'est un objectif, comme Marvel a des objectifs pour sortir des films, ça veut pas dire que ça va se produire tout le temps. Ils voudraient sortir une nouvelle console à chaque 2-3 ans, qui serait beaucoup plus puissante que la précédente, qui aurait une backward compatibility à cause à 100%. Du facteur, une rétrocompatibilité, désolé pour la loi 101, mais désolé pour qui, quoi? Puis je connais avec ça, okay. Moi là, oui, sincèrement. Mais je connais parce que ça permet justement de pouvoir jouer avec sa bibliothèque facilement, peu comme tu le fais sur un PC. Mais si c'est accessible, je suis d'accord. Moi, j'aimerais apporter de l'huile sur le feu. Alors, de l'huile, ça brûle toujours mais, bien. Non, mais je me pose une question. Non, mais c'est parce que là, on parle, tu sais, la nouvelle génération de consoles, X nombre de fois plus puissante, du HDR, du 4K, puis iPad Air Pro, VR. Whatever. Eric, je l'ai compris ton point. Just haptic feedback. Ce que je veux juste vous mentionner, c'est que là, on dirait il y a comme une vague. Tu sais, puis là, ça arrive comme Buddy dans Point Break. Puis là, c'est comme la nouvelle wave. Attends, c'est cool. Keanu ou Patrick Swayze? Buddy, c'est Patrick Swayze. Okay. Come on, man. Oh, wow! Qui fucking quote ça fait Keanu? Longtemps que... À tout le monde. À tout le monde, la bière Megadeth de Unibrew est vraiment bonne. Megadeth. J'ai hâte de déguster celle que Vincent m'a donnée, là. Twofer! Give me two! La bière de roue. Sur ce... Merci. Merci, Guillaume. En fait, je te remercie de préserver ma table. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que présentement, on parle que les consoles peuvent fournir du HDR, du 4K, etc. Qui sait qu'il y a une calisse de TV 4K qui soutient du HDR? Parce que ça, c'est une autre chose. Personne. Présentement, là, je vous donne un exemple. On va faire un parallèle avec le PC Gaming. Dans le PC Gaming, apparemment, il y a une manière de se mesurer la graine. C'est que c'est en millisecondes d'écran. Donc, moi, mon écran soutient 1 milliseconde. Toi, great c'est un 8 millisecondes. Ton refresh rate. Puis là, ben, c'est de même. Ah, j'ai un G-Sync à 144 Hz. Ça arrête là. Là, j'ai une question. Honnêtement, là, dans les téléviseurs, moi, j'ai arrêté de compter à 1080p. Là, il y a des téléviseurs 4K. Il y a des téléviseurs 4K HDR. Il y a des téléviseurs 4K qui ne sont pas natifs, etc. Donc, est-ce que c'est une nouvelle manière pour les fabricants de consoles de nous vendre des produits basés sur des besoins qu'on pense qu'on a de besoin et qu'on a? Parce que c'est bien cool, la 4S a fait du 4K, mais Chris, ta TV, es-tu vraiment 4K ou c'est juste écrit 4K UHD sur la boîte? Milter, t'as pas de casquette. Moi, qu'est-ce que je me disais, c'est que le 4K... Il scrape tout l'éclairage. Si ça réduit... Si j'ai une TV 4K puis le jeu est en 4K, oui, c'est bien beau, mais rendu là, le prix... Moi, je viens d'acheter une TV dernièrement. T'as-tu une 4K? Non. T'as-tu une 4K HDR? Encore moins. Okay, encore mais... moins. T'as-tu une 1080p? Oui. Est-ce que les 120 Hz ou 240 Hz? Je n'ai aucune crise d'idée. Ok, good. Mais elle est en crise, par exemple, elle est grosse en tabarnak. Je pense qu'elle est genre comme 72 pouces. That's what she said. C'est 66, moi, pauvre elle. Pauvre chi. Mais elle est 72 pouces. T'as-tu assumé son genre? C'est ça que tu veux, assumer son genre. Ouais, j'avoue, pauvre. Pauvre it. Puis, en tout cas, 72 pouces. Puis le gars, justement, je le regardais, puis j'étais comme... Quand je l'ai acheté, il y avait une 4K à côté, genre, puis... Elle était un peu plus petite, mais elle était comme 1400 piastres de plus. Puis là, j'étais comme, ça vaut-tu à peine 4K tout de suite, t'sais? Nope. Puis le gars, il m'a regardé, puis il m'a dit, ben... T'as-tu de quoi qui joue du 4K? Je suis comme, non. C'est là qu'il t'a murmuré à l'oreille, dans un an, tu vas pouvoir payer 100 piastres de plus. Puis non, il m'a rien dit, mais tu sais, c'était comme, t'as-tu l'intention de t'acheter une PlayStation 4K? Je suis comme, non. Non, tu dis One S 4K. Si t'avais l'intention, tu penses-tu que ça vaut vraiment tant que ça la peine, le prix pour le... Ah, mais lui, il est biaisé. Il voulait te vendre une fucking TV. Ouais, non, mais justement, c'était... Il est biaisé aussi d'assumer qu'il y a une PlayStation 4K. Il est biaisé dans le sens que le gars, il m'a vendu la moins chère, puis il m'a reconnu en plus. Il m'a dit, toi, je t'ai vu sur Facebook. Je trouvais ça drôle, Economax Laval, en plus. Shout-out GF. Hashtag connu au Economax. J'aimerais noter, il dit Economax Laval, c'est parce qu'il paye encore cette télé-là. Ouais, je paye encore. Je vais à toi et moi, souvent, avant de venir au podcast, j'arrête là, je fais mon paiement. Parce que ma banque est pas compatible, genre. Mais... Non, mais ça n'a même pas rapport, mais tout ça, c'est le gars me fait réfléchir à ça. Il m'a dit, t'es tout seul d'avoir une grosse 1080p qu'une petite 4K que tu te serviras pas. J'suis tellement d'accord. Parce que c'est le même, en plus, c'est le même, comment je peux dire, la même conception que le HD au début. Ok, wow. Attends, tu as dit que ta 1080p à toi, c'est une true HD? Wow, laisse-moi finir. Moi, quand j'étais à l'école en design publicitaire, parce que oui, j'ai étudié en design publicitaire télévisuel, en plus. Moi, j'aurais juste fini ça, oui, j'ai étudié, point. Non, oui, ben, j'ai étudié dans plusieurs affaires, mais j'ai un diplôme d'art marketing. C'est art et marketing publicitaire. En tout cas, tout ça pour dire que... C'est quoi je disais quand Guillaume me... Alors, je peux-tu faire une aparité? Non, si mais, vous aimez l'épisode de ce soir, allez écouter le début du collectif. Que je voulais dire, c'est que, dans le fond, une des affaires que j'ai appris il y a longtemps, puis c'était pour le HD, puis c'est la même affaire pour le 4K, c'est que t'as beau avoir une TV 4K, si t'as pas un crisse de moniteur, quand je dis moniteur, je parle de la boîte Vidéotron, là, ou ton Bell, ou whatever, là, qui est 4K, si t'as pas une source 4K, un téléviseur 4K et un diffuseur 4K, fait que si c'est pas filmé en 4K en partant... C'est encore lisse, finalement. Ça sert absolument à rien. Ah. Puis les postes de TV, il y en a encore qui sont même pas HD. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le 4K est une forme de masturbation intellectuelle? Oh que oui! J'irais plus haut, mais j'ai pas les mots pour le dire. Mais c'est carrément que... Mettons que t'inventerais un mot. Ça sert à rien parce que t'as pas de diffuseur 4K pour un... C'était quoi le mot que tu viens de dire pour la boîte? Une source? Ouais, si t'as pas un diffuseur 4K qui passe par une source 4K pour ta TV 4K... Fait que t'écoutes pas la FIFA, finalement. Ça sert... Exactement, il y a rien que le soccer. Parce que Dieu sait qu'il y a juste le calice de soccer qui est dans 4K. Le hockey, il commence. En fait, le hockey commence à diffuser en 60 frames par seconde, ouais. À Sportsnet, en anglais seulement. Ça... C'est cool. C'est fucking malade. Si ça, vous voulez voir de quoi ça a l'air, allez sur YouTube. Parle-moi pas de résolution. Parle-moi de frame par seconde. Mais là, on dérape. Là, je vends du. Si on veut ramener ça, on dérape beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien d'acheter une console si t'as pas la TV. Puis si tu planifies t'en servir pour regarder des films et de la TV, ça ne sert à rien exact. Si t'as pas des diffuseurs pour ta boîte, pour ta TV. Mais pour revenir aussi dans du réel... Dans un scénario hypothétique où tu as des jeux, exemple, à la PlayStation 4, ouais. Qui sont 4K sur papier, avec ta console 4K sur papier, avec ta télé 4K, idéalement. Ça a été dit publiquement parce que le contrôle reste, à la fin de tout, dans les mains du créateur du jeu. Ouais. C'est qu'exemple, il y a les créateurs de Lara Croft, Tomb Raider qui sont sortis, les autres jeux m'échappent, mais qui disaient justement, mon jeu, parce que ce qui arrive, c'est que les jeux vont pas nécessairement jouer en 4K. Ils vont avoir le choix de soit viser un 4K avec un 30 frames par seconde, ou dire, je vais faire du 1.5 2K avec un boost de performance. Donc, faut faire attention dans quoi tu t'embarques. Puis le fait que le contrôle est pas 100% à toi, c'est le jeu qui va un peu comme te forcer ça. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la PlayStation 4 Pro, qui se veut une mi-génération surpuissante, a été un effort malheureusement mal exécuté de la part de Sony, qui, à mon opinion à moi, qui est la mienne et non celle du collectif, Sony a fait un move qui est très Nintendo. La PlayStation 4 Pro, un move de noob, on va est le dire, un move mal pensé, contrairement à Microsoft, qui depuis, on va dire une chose, puis Eric il va se rappeler une conversation qu'on a déjà eue, depuis que la Xbox One est sortie, ne font que des bons moves. Oui. Par contre, quand ils ont annoncé la Xbox One, ils ont trop focusé sur TV et multimédia. Puis quand ils avaient raison, mais quand ils ont voulu rentrer leur espèce de marketplace à la Steam, les gens ont tellement pas compris, puis le monde était déjà tout en train de se masturber sur les speeches de PlayStation en disant on va te laisser partager les jeux. Mais ce que Microsoft voulait aller à la base, c'est d'avoir un marketplace à la Steam. C'est-à-dire plein de jeux pas chers, mais ils ont fallu qu'ils backtrack. Mais en fait, tout ce qu'ils font avec la Xbox One, puis on a beau être d'accord ou pas d'accord avec le UX, c'est-à-dire l'usabilité de l'interface. Il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment, peu importe, c'est débattable. Oui, mais la Xbox One S a coupé l'herbe sous le pied de PlayStation 4 Pro. Selon moi, la Xbox One S est tout ce que la PS4 Pro devrait être. Couper l'herbe sous le pied. Parce que Microsoft, quelle parle-t-on? Mais c'est figuratif. Ouais, mais parce que tu figurais, tu parles l'herbe des ventes. Des ventes, des ventes. Ah oui? Et du succès. Mais en fait, depuis la Xbox One S, les ventes ont complètement flippé bout pour bout. Depuis la sortie. C'est vrai que ça fait 6 mois, je pense, que Xbox domine les ventes non-stop de consoles comparées à comme 4 PlayStation. Ils ont eu 4 mois consécutifs qui battaient. Puis si on compare les deux install base. Non, mais là, c'est sûr que là, la PS4 a beaucoup d'avance. Ça, on parce se cachera que, pas. Si on prend un volume comparable, c'est facile de dire en pourcentage, je dépasse mon attach rate versus le nombre de consoles. Mais on s'en fout. Mais non, c'est parce que point de vue, beaucoup s'en plus fout. De PS4 chez ils sont déjà là, fout. Fait que le monde en rajoutera. Non, on s'en fout pas, Eric. Arrête de dire on s'en fout. André parce que veut dire le monde en a déjà une, c'est fait ça. Qu'ils en rajouteront pas une deuxième. Ils n'ont pas besoin de racheter l'impact versus le monde. Trois ans plus tard, quand ils ont de l'argent de lousse, ils disent, bah, je vais acheter une Xbox One. Il y a un paquet de monde qui avait une Xbox One qui ont fait, ben, ils ont upgradé à Xbox One S versus le PS4, puis ils n'ont pas upgradé. C'est la même affaire versus dans le sens qu'il y a du monde qui se fait trois ans qui ont une Xbox One, puis ils ont dit de l'argent de lousse, je vais acheter une PS4. La nouvelle génération se veut une génération surpuissante. En passant, j'ai dit on s'en fout quatre fois. Vous voulez savoir pourquoi on s'en fout? Oui, on veut savoir. André, il veut pas savoir. Ouais, mais c'est la démocratie. Ok, on y va. On s'en fout parce que, de un, comme que t'as dit, le Monopoly, c'est pas bon. Fait que tu veux qu'il y ait un marché des deux côtés. En fait, j'ai rien important. Contre le Monopoly. Ben, il y a quelque chose contre la Monopole. J'ai quelque chose contre la Monopole d'une console. Moi aussi, le pire des pires, ça serait ça. Mais Microsoft, comme que Guillaume m'a dit au début, font que des bons moves depuis la Xbox. Puis moi, je suis d'accord parce qu'ils ont embarqué sur le marché dans un moment hyper compétitif. Contre, on se le dira bien, une des consoles les plus populaires et les plus vendues dans l'histoire des consoles qui est la PlayStation 2. Fait qu'ils sont embarqués vraiment dans un moment exceptionnel dans le monde des consoles. Mais eux, ils ont jamais pensé aux prochains 5 ans, là. Ils ont jamais pensé au prochain, à la prochaine console. Microsoft, du début, c'était un fucking game plan de comme 25 ans, là. Puis les gens catchent pas ça, là. Sony le fait aussi, là. Je dis pas le contraire. Mais en réalité, je pense que, Eric, laisse-moi te corriger là-dessus sur mon opinion. C'est que Microsoft ont un plan 25 ans et Sony aussi en ont un. La seule affaire, c'est le go-to-market strategy qui est différente de Xbox. C'est que Xbox font une migration constante dans leur install base. Donc, t'avais la Xbox. Ok, bon, mais c'est cool. T'es là depuis le début. Ça va être backward compatible. On va aller. Ok, ben là, dans 2-3 ans, ta Xbox, tu l'aimes encore, mais vieille, ça te prendrait une pro, nouvelle, ça te prendrait une élite. Ouais. Puis là, après ça, ouais, hey, Chris, ta élite était bonne, mais ça te prendrait une One. Puis là, c'est normal. Hey, la One est bonne, ça te prendrait une One S. Hey, la One le S, marché là, change. Mais ça marche, ça. Là. Parce que ouais, la One S, moi, j'ai la One ça originale. Puis la One S, là, si j'avais pas de blonde, je l'aurais déjà. Ça marche d'un cellulaire. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que, effectivement. Puis les cellulaires valent plus cher qu'une console. Carrément. Et Dieu sait que ça a fonctionné avec Nokia. Où je veux en venir, c'est que. C'est quoi ton rapport avec Nokia? C'est, pardon, HTC. Pardon, LG. J'aime Eric qui est enflammé comme ça. C'est le fun. Ça fait longtemps. Mais où je veux en venir? Nokia! C'est Microsoft. Parce qu'il m'atteint par mes émotions. Le go-to-market strategy est différent. Où Microsoft ont été innovateurs dans leur manière de faire une go-to-market strategy, c'est que ils vont y aller graduellement. Donc, eux autres, au lieu de prendre 100% de leur install base et la modifier vers une nouvelle console, comme Sony font, parce que Sony utilise un modèle traditionnel de console. Donc, un modèle est là, désuet, dis-le. Ben, là. Exactement, puis c'est désuet, puis ça c'est commence à paraître un peu. Ou PS4 est là, ben... On va amener le monde vers le PS5, mais il y a un entre-deux qui va être le PS4 Pro, qui va permettre du 4K HDR, etc., etc. Sauf que... Mais leur PS5 est mieux d'être rétro-compatible en tabarnak, mais, parce qu'il va être dans le champ. Mais c'est là que t'as un clash, ou puis là, je vais en revenir, puis c'est sûr, j'ai un parti pris, mais je vous donne un exemple. Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda va être un des premiers jeux où qui va... Ça va soutenir le 4K native gameplay. Donc, sur ta PS4 Pro... Sur ta télé 4K. Ou ta Xbox. Sur la télé 4K. Non, j'en ai pas encore, mais je vais en acheter une. Puis honnêtement, je veux une télé 4K pour mon gaming setup dans la chambre. Ça fait longtemps. Sauf d'un autre côté, vous parlez au gars qu'il y a une 42 pouces LG qui se fait 8 ans qui traîne. Et voilà. Fait que je suis rendu à upgrader naturellement. Et un projecteur. Donc, c'est là que je trouve la stratégie de Microsoft intéressante. Parce que... graduellement, ils vont aller chercher l'early adopter qui est un 4K, puis ils vont aller chercher. Sony ont une stratégie un peu plus conservatrice où, ben regarde, présentement, l'early adopter a une TV 4K HDR, mais c'est pas la majorité de la population. C'est pas le gamer, pas besoin, puis le gamer n'a pas nécessairement. Donc, quand la PS5 va sortir et la PS4 Pro est sortie, la PS4 Pro est un bridge entre les deux. Et le Scorpio va être un peu... Selon moi, Scorpio sera pas Xbox One quelque chose. Ça, Scorpio, c'est Xbox 5, Xbox 2, Xbox whatever. Donc, Xbox c'est le go-to-market two. Qui est différent dans leur approche au niveau des fabricants. C'est que Microsoft vont y aller avec un approche... On essaie d'accrocher l'early adopter, mais le software... Le software, c'est quelque chose qu'on parle pas depuis le début de cette table ouverte. C'est que... Pourquoi les gens achètent des consoles de jeux? C'est pour jouer aux jeux. Et le software pour Netflix, ne là, justifie pas encore l'investissement sur ces demi-générations-là. Moi, je vais parler pour mon investissement à moi. Une PS4 Pro, j'ai une PS4 dans ma chambre présentement, mais je justifie pas un investissement d'une PS4 Pro. Mais quand Mass Effect Andromeda va sortir, je veux être équipé avec ma TV 4K et ma PS4 Pro. Puis est-ce que tu vas prendre ta PlayStation 4 puis la trade-in pour une Pro? Je vais la garder pour jouer à deux avec des jeux avec ma blonde. Land party style. Land party style. Non, mais déjà payé. Fait que je vais diluer mon Land parce que erotic moi, je pense party style. En parlant sur mon thème au début du changement du marché, les consoles vont devenir des trade-in. Ben, en réalité, ça commence déjà. Là. Il y a du monde que oui, mais il y a du monde que non. Oui, mais non, parce que la console, oui, honnêtement. Oui. Ben, en fait, non, parce pour que toi, le prix d'acquisition d'une console neuve versus la durée de temps. Le coût d'acquisition. Ben, je vais t'avouer, là, moi, j'ai une Xbox One en ce moment que j'ai acheté Launch Day, mm-hmm. qui fonctionne très bien, à part qu'il y a des problèmes de lecture de disques, comme tout le monde. Comme moi, ouh. C'est ça, mais je m'en collais, je lis même plus des disques. Ouais, digital. Mais elle lit certains, comme je gosse avec, puis elle lit des disques. Anyway, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu vas payer pour une S présentement? Sais-tu quoi? Je considère sérieusement. J'ai le goût, moi. De trade-in ma Xbox One en ce moment, parce que je peux y trade-in juste ma Xbox One qui lit mal les disques, puis je m'en collais, s'il y a personne qui va checker ça quand j'apporte ça au Best Buy, je vais le faire. Puis j'ai un feeling comme je vais switcher ça pour une S juste à console, je vais avoir 300 pièces de crédit en promotion, puis mettre ça envers une Xbox One Xbox One S qui va avoir Forza Horizon 3 puis le nouveau Call of Duty dessus là. Plus tu rentres ton compte puis tu reçois okay. tous tes jeux. Puis en plus je logue ça, je mets mon disque dur, tous mes jeux sur le disque dur sont déjà là. Mais y a pas juste ça, faut pas oublier aussi puis regarder un peu puis là je vais rentrer un peu plus. L'avocat du diable t'as André. Oui. Non mais l'avocat du diable, mais y a pas rien que ça aussi, c'est que prenez aussi Microsoft sont tellement désespérés pour des parts de marché présentement. Prenez juste le nombre de bundles. Y a un bundle Gears of War, un bundle Minecraft. Ça ils font ça, ils font ça. Ben c'est ça l'affaire. Ils font ça depuis 360. Non, mais donc, c'est ça, jour, mais fait ça. C'est leur puis la part de marché, là, est quoi, là? Et pas les consoles, dude, là. C'est fini, ça, là. C'est pas juste la console, les parts de marché, là. C'est le PC et la console, là. La console, ben, il y a combien, c'est... il y a combien ouais, de Windows 10? Ouais, c'est la base. L'install de... base, effectivement. Puis le nombre de jeux qui sont Windows 10 et... Non, ça, c'est juste le début. Ben, that's only the beginning. Mais c'est justement, ça revient à une stratégie go-to-market d'early adopters. C'est pas encore... OK, bon, Mike, j'ai une question pour toi. C'est la stratégie-là, es-tu meilleure que PlayStation Now? Moi, je trouve, ben, c'est parce que tu compares des pommes et des oranges. Non, parce que c'est une différente stratégie contre l'autre. Ben, Sony veulent que tu payes un frais mensuel sans arrêt pour tous les jeux qui n'ont jamais sorti. Ben, t'as peu. Là, tu compares un hardware avec une catégorie de software de rentabilisation. Ça, c'est PlayStation Now, c'est une manière de rentabiliser des titres. Ben, moi, je suis d'accord avec Milter. Mais là, okay, Now, tu dis stratégie. Ça pendant que tu vois tes astuces de jeux d'Xbox 360 qui pop-up dans ta liste de Xbox si sont ré... Oui, je suis d'accord. Ouais, mais ouais, tu mais peux pas jouer différent. Sur le PC avec ton Xbox. Eux autres, ils le font rétro-compatible. L'autre, ils le font qu'ils te le chargent comme un Netflix de vieux jeux, puis t'as tout comme tu veux. En fait, là, regarde, le catalogue de PlayStation Now, c'est. On prend les, mettons, on met un chiffre, 600 jeux de PlayStation 3 à 20$ qu'on a déjà mois. Développé. 913. Bon, 913. Ouais, mais ils sont pas tous disponibles sur PlayStation. Non, pas deux. Fait qu'on prend, mettons, ces 600 jeux-là. C'est là j'ai dit ça gravement, il est en feu, Guillaume. Mais on prend, mettons, ces 600 jeux-là qui ont déjà été développés, ils ont déjà un coût de développement, le software existe, puis on a créé un émulateur sur PC qui va permettre aux gens de le jouer d'une plateforme Netflix. C'est tout simplement prendre du vieux stock puis donner une deuxième vie en se disant l'install base que Milter parlait d'un paquet de gens qui ont un ordi puis qui ont jamais joué au PS3, ils peuvent payer 20$ par mois, puis nous autres, on n'a pas de développement à payer, on n'a pas rien, on va vendre des manettes puis des USB dongle, whatever, puis le monde va jouer à PS Now. Fait que, encore une fois, c'est une stratégie de marché. C'est en live. Fait que, tu sais, les deux, ce que tu compares, c'est pour ça que je te dis, c'est des pommes et des oranges. Mais je pense pas que c'est des pommes et des oranges. Ben oui, parce que le backward compatible va faire vendre des consoles Microsoft. Parce que tu grossis le catalogue disponible sur une Xbox One. Mais le PS Now va tout simplement donner des revenus additionnels qu'ils n'ont pas présentement en rendant la plateforme plus accessible aux gens. Mais l'affaire du PS Now, moi, je suis pas un gros connaisseur, là. Mais si je fais juste regarder les chiffres, ça peut être intéressant s'ils peuvent aller chercher les titres de PS1 et PS2. Tout simplement parce que on s'entend, on parle de chiffre total. Non, mais pas de qu'est-ce qui est important, je peux-tu trader mes jeux de PlayStation Now? Non, c'est du... Non, mais tu peux arrêter de payer par mois, par exemple. Si tu peux pas trader mes jeux, Carly. Est-ce que si tu peux trader tes jeux digitales sur ton Xbox One, Eric? Oui, André, qu'est-ce que... Si Milter... tu payes... Ben ouais, Milter, qu'est-ce que t'en penses de mes jeux de Xbox 360 sur ta One? Ils sont cool. J'ai rien à dire contre ça. Ouais, mais est-ce que tu peux les trader à quelqu'un d'autre? Parce que là, vous partagez votre compte. Ouais, mais si tu dis à Milter, tu veux dire trader avec mon beau-frère pour deux semaines. Ouais, mais c'est trois fois par année, puis après ta console est lockée pour une. OK, fait quoi? On joue pas avec le feu trop. Non. Mais ça l'aurait été différent. En fait, ce qu'Éric dit, c'est qu'il est pas content que tu parles. Non, mais dis-tu quoi? Non, mais en fait, l'ironie de tout ça, excuse Milter de te couper, mais l'ironie de tout ça, c'est que quand Microsoft a lancé leur plan original, quand ils l'ont annoncé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'était pas juste moi Milter trois fois par année, là. C'était 10 personnes. Chum. Puis là, ouais, tout le monde, ils ont capoté. C'est hein? C'est toi puis Milter trois fois par année, pareil. Initialement, le plan n'était pas ça, mais aujourd'hui, ouais, mais c'est parce que le monde, ils ont chiolé à cause du Always Online. Justement, mais c'est parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours un go-to-market strategy qui va être idéal. Okay, arrête de dire go-to-market strategy, sacrament! On n'est pas un fucking... Go-to-market! Ouais, go-to-market! Mais c'est ça, pareil! Go-to-market strategy! Ouais, mais leur stratégie initiale, c'était on va faire ça, puis le monde ont chiolé. Fait qu'ils ont pas... Ouais, mais le monde... Le problème de Microsoft... Oui, mais Guillaume, c'était le go-to-market. Le problème de Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas compris que le monde va chioler peu importe ce que tu fais. Puis c'est ça l'Internet depuis 2014. Go-to-market! Ah, depuis 2014! Surtout, ouais, t'étais mais, où en 2007, mais, toi? Effectivement. T'étais où en 98? Basé sur je donnais ce que des cours à l'Internet. Justement, quand tu bases ton business model sur quelque chose qui est réfutable puis discutable par les gens et que tu vas aller viser une clientèle en plus qui est éternellement insatisfaite et offusquée. Minorité d'une clientèle. Oui, sauf que d'un autre côté, honnêtement, là, dans mon entourage, qui partage sa database Microsoft? Une minorité. Ben, vous autres, vous êtes posés, mais vous l'avez pas fait. Ben, encore. C'est justement, on l'a fait. Ouais, mais même là, c'est pas... Moi, j'en connais une couple, mais c'est à cause que moi, j'ai dit, pourquoi vous faites pas... C'est comme mais les deux ça. Gars à job, c'est j'ai dit, toi, donne-tu ton email, c'est pas répandu, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est, leur plan Microsoft est excellent depuis le début. Alright, c'est bon, job de Mike, c'est le fait. Le monde comprenne juste pas. Des éternels incompris, ben ouais. Et c'est justement ce qui les... Mais si on veut revenir au sujet là, des consoles mi-génération, oui. Ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue hardware et d'un point de vue exécution... Microsoft a vraiment détruit PlayStation. Comment tu peux dire ça? Le hardware est pas sorti? Oui, non, c'est sorti. La Xbox One S est sortie. La Scorpio est pas sortie. Ouais, pas ouais, la Scorpio. Puis One S puis PS4 Pro, c'est pas comparable. Ouais. L'impact que ça a. Ouais, mais là, à ta peur, là, tu changes ton discours parce tu parlais de hardware. Oui, le hardware. Microsoft détruit Sony, mais c'est pas vrai. Pas après ça, tu parles d'impact. Détruit au niveau de les ventes au niveau des... Ouais, mais c'est pas normal. Et au niveau de la... L'install base était moins haut, donc en pourcentage d'augmentation. Pas juste des ventes. Au niveau de la réception des critiques, la réception des consommateurs. Pas au niveau juste des ventes, mais au niveau... Je suis d'accord que le monde... La PS4 Pro, tu regardes juste les commentaires. Le leap, c'est... Puis pas juste les haters, pas juste les fanboys. La PS4 Pro va t'aider. Ouais, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le leap entre les deux, le monde voit plus d'avantages à acheter la Xbox One S. Ouais, mais... La Xbox PS4 One S est sortie le 23 août 2016 et la PS4 Pro est sortie quand? La PS4 Pro est sortie le 10 novembre 2016. Okay, donc, trois mois après à peu près. OK, fait que trois mois après. Le Xbox One est sorti quand? 22 novembre 2014. PS4 est sorti quand? Le 15 novembre 2014, une semaine avant. Donc, le Xbox One S est sorti à trois mois avant celui du PS4. Donc, les critiques et l'install base, parce que le PS4 Pro est sorti quand? Les deux ont été annoncés en même temps. Ouais, mais puis ils sont pas sortis en même temps. Il est sorti le 10 novembre. Comparer des pommes. Puis la Slim est 15 septembre. Ouais, oui, mais ce qui est arrivé, il faut se rappeler un peu historiquement ce qui est arrivé. Tout le monde savait que Sony travaillait sur un PS4 Pro. Mm-hmm. En fait, tout le monde qui s'intéresse aux jeux vidéo. J'aimerais, parenthèse, Monsieur Michael Larouche, que j'aime name dropper puis qu'il aime se faire name dropper. Barouche. Quand lui, il y a une petite anecdote qui dit quand il a reçu le PowerPoint un petit peu de qu'est-ce que c'était pour être pour la compagnie qui travaille, lui, il a dit « À quoi vous pensez? » Oui, tout le monde dans l'industrie... Il comprenait rien, là. Tout le monde dans l'industrie, allez voir Star Trek Facepalm, là, où tu vois Captain Riker puis Captain Picard faire des facepalms. C'est ce que l'industrie a fait en voyant la PS4 Pro. Ce qui est arrivé, puis je vais faire une petite parenthèse historique... Tout le monde savait que PS4 sortait une PS4, Sony sortait une PS4 Pro. Au début, c'était annoncé, on ne savait pas ce qui est arrivé. Est venu le E3. C'est là que Xbox a droppé la bombe, on dit on sort la Scorpio, teraflop, puis la Xbox One S. Ah, teraflop, il parlait de ça en PlayStation 3. Ouais, mais c'est ce qu'ils annoncent juste, il va en avoir plein. Puis là, Sony, d'un point de vue extérieur, a eu l'air de capoter un peu. Dis-nous aussi, parce que là, il savait pas que Microsoft allait sortir avec sa Xbox Scorpio, qui est pas encore sortie, on s'entend. Non, mais ils ont très bien parlé au dernier E3, là. Oh oui, mais la PS4 Pro, ce qui arrive, c'est que là, eux, ils ont vendu, ils ont primé tout le monde. Puis quand ça sort, ça a comme fait un pétard mouillé. Parce que déjà, ça fait puis même les fanboys de PlayStation l'ont assumé en disant... Tu compares encore quelque chose que c'est la première itération d'une nouvelle génération de consoles. C'est pas une nouvelle génération, c'est juste une... C'est la première fois historiquement que Sony market une console comme quelque chose de plus puissant. Parce que la PS4 Slim et la PS3 aussi. Slim... Oui, c'était non, juste une version vrai, Slim. Parce que la Xbox One S c'est la première est fois. Marketée comme plus puissante. Oui, ben la PS4 et aussi. Et la Scorpio est marketée comme plus puissante encore une fois. Oui. Sauf que à chaque fois... Mais encore? Oui, mais la 360 était marketée comme la Elite était plus puissante aussi. Non, non. Ça, c'est pas vrai, ça. Oh, Chris, oui, les non, boys. Nope. Moi, je me souviens juste de plus de mémoire. La Elite là, était de mémoire. Plus, ben, donc, plus puissante, non. Sacrément. Non, non, non, non, essayez pas, là. Arrêtez, là. Non, essayez pas, là. Frustre pas, là. André, go to Market Strategy, non. C'était pas ça pantoute pour la 360. Va chier. La Elite était marketée comme plus puissante, va planter moins, pas de Red Ring of Death. Oui, mais ça, c'est plus amélioration. Plus de terraflop. Ça, c'est vrai, pas de ring, Red Ring. Non, non, mais c'est vrai. Je me souviens du pas de Red Ring. Honnêtement, c'est ça l'enjeu. Il y a pas de Red Ring. Ils ont enlevé les LED rouges. Non, mais regarde, je vais le dire live là, puis à la limite, les auditeurs pourront avoir le dernier mot, mais comme je vous dis, c'est la première fois que Sony market une console plus puissante d'entrée de gamme, qui vont faire un entre-deux, qui vont ouvertement dire « est plus puissante », il y a les bundles qui sont intégrés pour le PSVR. C'est quelque chose qui va faire du 4K HDR built-in, tu le quittes, tandis que Microsoft font toujours ça à chaque itération. En passant, je sais pas si tu le sais, tu dois le savoir, mais t'as beau acheter la console 4K avec les affaires PSVR dans ton casque, c'est loin d'être 4K. Effectivement, ouais, mais ça, c'est une limitation du casque. Ouais, je sais, mais c'est comme le monde mélange les deux. Là. C'est que au niveau du marketing de ces consoles-là, Microsoft font toujours leur marketing à eux autres, c'est la console va être plus forte, la console va être plus forte, la console va être plus forte. Mais, dans le cas de la Scorpio, ouais. C'est vraiment... Ouais, mais c'est vrai, mais elle n'est pas sortie, la calice de console. Ça, j'en parle pas. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais moi, ouais, ce mais que même je veux dire... La 4S est un peu plus forte, mais c'est la même. Parce que la One S, Mais la One S nous sert qu'est-ce qu'on est supposé d'avoir dans le 4K. Mais c'est la même fucking chose que la, 4, la PlayStation non, ça, 4 Pro. Les tests objectifs de gens qui travaillent dans l'industrie. Ah, mais un montrent... test objectif. Pas subjectif. Objectif, ça veut dire neutre et sans parti pris. Oui, mais les non, preuves, franchement, ah, les preuves, c'est excitant. Mais même là, quand on lit... Hey, on parle plus à intense des consoles que si on parlerait sur un... Je comprends qu'est-ce qu'André veut dire, dans le fond, que c'est... Oui, il y a des preuves objectives qu'être un petit peu plus forte que l'autre, puis nanana, puis tout. Mais en c'est gros, c'est... C'est la même calice d'affaires. C'est ça, c'est en gros, who fucking cares? L'exécution. Le jeu reste pareil, il est pas plus en 4K, t'as pas de TV 4K, t'as pas de HoloLens, t'as pas ben, de site VR, t'as pas rien. Vite. Le jeu va être pareil. La Xbox, sauf que ta ce console. Soir, c'est pas de nommer un gagnant, Chris. C'est juste. Moi, la seule affaire. Ben, c'est Microsoft. Non, oui, oui, honnêtement, c'est juste de dire que ça a pas de style bon sens. Ça. J'achèterai pas les 28 versions. Je vais attendre qu'il y ait vraiment un step considérable entre qu'est-ce que j'ai présentement et quand à un moment donné, ça va me dire non, Milter, tu peux pas jouer à ce jeu-là parce que t'as une Xbox One. Là, peut-être, je vais commencer à penser à acheter l'autre console si je veux vraiment jouer au jeu. Est-ce qu'on est vraiment rendu à débourser? Ben, parce que même s'il te donne 250$ en trade-in sur ta vieille console, non, vas-tu je paye aller pas. Crisser 100$ sur un upgrade de 0.5? Non. Ça fait du upscaling à 4K. On sent tabarnak. Non, mais il y a une autre chose que... Dernier point, parce que je veux embrayer sur l'aspect qu'on a noté. embrayer, oui. Enchaîné ou qu'on... Non, c'est plus le fait qu'on veut faire mais, ça vite radio. Ce que j'ai aimé, moi, personnellement, de la Xbox One S, que je n'ai pas et que je n'aurai peut-être pas non plus en trade-in, c'est qu'ils ont adressé tous les problèmes de la Xbox One puis ils l'ont amélioré en performance. Mais c'est normal, c'est une version 2 de oui, quelque chose. Oui, attends une minute, je vais y arriver. Ils ont rapetissé, ils ont réglé les problèmes de gestion de la chaleur et ils ont augmenté la puissance. Ils ont-tu réglé le CD qui marche pas? Ça, je sais pas. Mais, ça c'est un point pour vrai. J'en ai aucune idée. Ça, non, je sais Guillaume, pas. Regarde, on donne un des highlights là, d'une nouvelle console, c'est que ben le CD, il plante plus, elle surchauffe pas elle est moins grosse. Tabarnak, elle est sortie 3 ans après. Oui, mais attends. J'espère qu'elle fait ça. Oui, mais micro, pourquoi Sony le fait pas? Elle-même qui pourquoi la Sony le fait pas? Ben, Sony, ils ont pas besoin de le faire. Elle a pas planté la PS4. Elle a pas eu de problème de lecteur CD. Elle brûlait pas le CD au début. Elle brûlait pas. Fait de toute façon, les essais d'élection, c'était à fucking arrangé. Mais c'est la raison. Trump, mais ce que je m'en allais dire, là, c'est que la, c'est le point que j'ai pas pu amener ma conclusion assez vite. C'est que la Xbox One S, elle a réussi à rapetisser son footprint puis à s'améliorer. Tandis que PS4, ils ont sorti une PS4 Slim qui est identique et à tout le monde. Mais Chris, et blanc arrête de le couper, laissez donc parler. Puis elle rapetisse, mais elle s'améliore pas. Ben, qu'est-ce qui a amélioré, elle s'améliore pas. Qu'est-ce qui a amélioré? Le point. OS, non, le non, menu. Finir. Le menu de marbre. Tu feras ton commentaire après. Le elle s'améliore pas. Elle reste identique. Oh, mais qu'est-ce qui a amélioré? Puis la PS4 Pro s'améliore, mais reste dans la même dimension. Donc, ce que moi, je dis, c'est que PlayStation a sorti 2 consoles. Une améliorée avec le même footprint, ou presque. Une identique avec un plus petit footprint. Tandis que Microsoft arrive avec une console qui est plus petite et améliorée. C'est que dans le fond, d'un point de vue externe et vulgarisé, Microsoft avec une Xbox One S, ils ont pris le meilleur de la PS4 Slim, ils ont pris le meilleur de la PS4 Pro, l'ont mis dans une machine au lieu d'en faire 2. Mesdames et messieurs, vous êtes au rue collectif, le podcast politique du Québec. Guillaume, es-tu en train d'assumer mon nom? Mais la seule affaire que je te dis, c'est garde, écoute, ton argument est valable, ils ont amené quelque chose de nouveau. Tabarnak, 90% des point fort de la Xbox One S. Des réparations. C'est que c'est des réparations de l'esti de système. Ça, c'est moi, comme mon Dodge qui est dehors, j'ai eu un rappel que genre, hey, le tuyau de ton radiateur pour le contrôle de power steering pète, ramène-le, on va le réparer. Mais ton écran est upgradé en 4K? Puis on va te mettre un S sur ton Dodge, puis là, ben, il est rendu S, asti. Puis le 4K, lui. Le power steering plante pas. Mais non, mais t'as l'arnaque. Le High Dynamic Range Gaming, lui. Ouais, mais Eric, le PS4 Pro fait du HDR puis du 4K aussi. Ben, le Xbox One S aussi. Mais il a pas eu besoin de corriger un lecteur CD qui plantait puis une console qui surchauffait. Non, mais le PS4 surchauffe André, dans un environnement. On peut-tu demander à André de s'il te plaît, si tu le mets dans un feu, il va surchauffer. Guys, On peut-tu juste demander à André d'arrêter de catch feeling? On s'entend. Non, mais c'est pas une question de catch feeling, c'est parce que, honnêtement, check, il y a une chose qui me tient à cœur dans le collectif. Sony! Non! Il y a une chose qui me tient à cœur dans le collectif. Ça, c'était de la joke de live feed seulement, c'est... là. Hey, tu continues de parler de moi, ils ont reçu des hate comme Bruno. Non, non, mais. Des rétro nouveaux, là. Je vais être vu comme un Sony Cock Sucker. Il y a une chose qui me tient à cœur. C'est l'auditeur. Okay. Pis tabarnak, on donne l'information ultra biaisée présentement à Calis. Vous faites juste dire Microsoft. Asti, on sait, c'est la grande Microsoft. Ils ont corrigé tout. À deux mains, là. Ben non, mais tabarnak. Ça, je serais pas d'accord avec toi. Ben, je suis pas d'accord. Pas vous, êtes tout, les, vous êtes les deux, puis moi, je biaise, là, mais... Depuis tout à l'heure, vous dites, hey, Microsoft, ils sont en avance. Microsoft sont meilleurs. Microsoft devine les ventes. Microsoft font aussi. On n'a pas le droit de dire ça. Attends, c'est ça j'ai dit? Juste dit domine les ventes. Pas le droit, depuis les mi-générations. Ben oui. Mais je suis conscient que les sur les PlayStation. Je comprends qu'est-ce qu'André veut dire. Ils ont réparé leur gaffe. Tant mieux. Mais. Oui, mais c'est justement, ils ont réparé leur gaffe. Leur avance de marketing, oui. Leur avance de vente. La raison que j'ai le goût de racheter, exemple, une Xbox One S et non une PS4 Slim, c'est parce que ma PS4 fonctionne bien, très bien, puis ma Xbox non, ma One PS4 présentement, moi, le lecteur pas CD marche passant. Pas. Fait que je me dis, j'achèterais une Xbox One, le CD fonctionnerait. Tu sais quoi la seule raison pourquoi je n'achète pas une? Dead Rising. Non. Tu voudrais acheter une Xbox One. Elle est blanche. Non, sérieux. Blanc noir aussi. Pour de vrai? Ouais. Ça y est, il voulait s'en acheter une. Bon, ben, gars, tu viens peut-être de me vendre une, puis je mettrais l'autre. Mais pourquoi tu l'achèterais, Milter, ta Xbox pour One S? Pour mettre des CD dedans. Ah, ben, tabarnak, quelque chose parce qu'elle avait dû faire depuis le début. Ça marche pas sur mon autre, que j'ai fait, en passant, réparer, puis okay, qu'un okay mois après, la réparation marchait plus, puis j'ai mais, juste fait... Okay, wow, là, gars, je prends ma grosse voix, là, je calm the shit fucking c'est plus down. Ta grosse, tu cries. Wow, oui, Rick, je crie parce que je suis capable de crier. Lâche mon collet, tu moi, me fais mal. Moi, j'aime juste qu'on attends, soit pas arrête de me frapper, Rick, arrête. De un, André, arrête de nous accuser de... Rick. D'être impartial. Arrête de me frapper, Rick. Non, parce que j'aime ma PlayStation 4, ça n'a aucun rapport. Mais on a le droit aussi... Parce qu'elle marche bien. Non, ma Xbox One marche pas bien, ma PS4 marche pas bien, j'ai zéro chance, fait que tu j'ai plein de PlayStation qui ont pété, j'ai plein d'Xbox qui ont pété, je suis une des pires personnes, les moins chanceuses de la planète. On arrive à une chose qui est très simple, puis Guillaume le dit bien, qu'est-ce que le One, dans l'argument du mi-générationnel, demi-génération qu'on est dedans, tout ce que Guillaume est en train de dire, c'est que Microsoft l'a mieux fait que Sony, André. Ah ben, ils ont mieux fait leur mi-génération. Le upgrade, parce que la génération initiale était moins bonne. On s'en fout. Peu importe ce qui est arrivé avant. Le résultat est là. Mais moi, il y a une affaire qu'on parle depuis tantôt. Puis je pense que tout le monde est d'accord. On parle juste d'hardware. Non, on parle de les iPads puis les cellulaires. Oui, d'hardware. Mais oui. Ben c'est ça, de on matériel. Parle que les consoles, c'est, que ça va, puis, c'est comme des cellulaires, c'est comme des iPads oui, maintenant. Mais faut qu'on l'accepte. Oui, je suis d'accord. Ouais. Deal with it. Je le deal à la tabarouette. Ça, puis je suis d'accord, puis j'approuve, j'accepte ça, parce que c'est de même que ça va, l'argent va rouler, puis c'est de même qu'il va y avoir du développement, puis c'est de même que, justement, nous, en tant que consommateurs, on va avoir... J'ai très hâte d'avoir mon app PlayStation Now. Sauf mon que, Xbox qu'est-ce One. Que... J'ai déjà un. Qu'est-ce que, Xbox en tant que... Je pensais que c'était au sel. J'ai un. Qu'est-ce que, en tant qu'utilisateur, on parle de cellulaires puis de tablettes qui sont renouvelées à chaque année, on a énormément, c'est des applications. J'ai pas le nombre exact, mais il y en a des tonnes de copies. Sur Xbox, j'ai remarqué... Je suis pas en train de on faire parle, du... Il y en a plein de nouveaux, hein. De quoi qu'on parle depuis la sortie du Xbox One il y a des PS4. Apps weird en crise sur Xbox One, oui, va dire ça mais ce que je veux dire, c'est on parle... C'est le, ouais, c'est ainsi, le débat. C'est weird, là. C'est quoi qu'on parle? J'ai downloadé, là. On parle de résolution, on parle de frame rate, on parle de surchauffe, on parle de... On parle que d'hardware, juste du hardware. Juste du hardware. Puis là, tu regardes vite, là, on retourne dans mes petites notes. On parle de deux consoles qui sont sorties en 2014, qui ça fait 2 ans maintenant. Combien qu'il y a de jeux sortis à la PS4 puis au Xbox? C'est quoi le rapport, nous le dire? Fais 402. Il y en a 182 à un puis 187 à l'autre. C'est proche. Qui 187? Ah mon Dieu! 187, c'est Xbox One. Naturellement, la meilleure console au monde. Peu importe. Ce que je dis, c'est que... Moi, je trouve juste que le débat, c'est le fun de parler. J'aime ça parler d'hardware puis s'astiner. Puis même si ça fait chaotique, puis on perd des fois l'auditeur, c'est entertaining. Puis le monde, en général, aime ça. Mais le problème, quant à moi, c'est en tant que joueur... C'est de pouvoir jouer avec ta console sans qu'elle plante. Oui, ouais. Mais c'est de pouvoir jouer à des jeux. Hein? Sans wow, que ta console la, plante! C'est quelle la meilleure PS? Hein? C'est quelle la meilleure PlayStation? Vita. La PlayStation 2. C'est elle qui a le plus de jeux. Ouais, elle a 3874 jeux. C'est ma console préférée de tous les temps. La 360 en a 1741. puis la PlayStation originale 2355. Juste pour faire la... C'est ça qui manque, selon moi, en ce moment, à ces nouvelles consoles-là, c'est arrêter de vous enculer avec ben des là. Hardware, ça fait fucking yo, mal. Guillaume, arrête d'être frustré, calme-toi, là. Ouais, calme-toi, Guillaume. Un jeu, ça fait pas mal moins mal. Ben là, wow, là. C'est ça qui nous manque, on s'estime... OK, ben check, là, combien de jeux sur PlayStation 2? 3274. Combien d'eux autres, tu penses, sont pas bons? Oh, il y en a, c'est sûr. Mais comme... il est peut-être pas bon pour toi, mais il est peut-être bon pour Milter. Oh, non, oui, en fait, moi, j'ai Carl, là, Carl des Power Chasers, là, il joue à plein de jeux que je suis sûr qu'en lui, il joue à ben des jeux pas bons. Ouais, il va être le premier à dire qu'il y en a des fucking horribles. Ben oui, Saturne. Mais il y a un choix. Il y a une offre au consommateur. Mais on s'entend que c'est une console qui est vendue pour 125 millions à peu près. Oui. Là. Comme 100% ça, c'est une console au Brésil, ils sont encore sur le PS2. Ils sont encore sur le Master System. Mais ce que je dis, c'est que si on mettait... pas juste les consommateurs, mais l'industrie en général, beaucoup plus d'emphase sur « donnez-nous des jeux de qualité ». Mais ils nous en donnent. Il y en a, mais ils pourraient en avoir plus. Arrêtez de stresser sur du 4K, puis justement d'autres choses, mais donnez-moi un Mass Effect. Un bon jeu. Qui est pas nécessairement delayed 3 fois, qui va pas avoir un... Des one patch de 4.7 gigs. Ça, c'est des gros ça, jeux. Ça, c'est des bons jeux. Oui, je suis d'accord que c'est des bons jeux, mais ils pourraient. L'industrie pourrait. Quand j'ai l'industrie, je parle les Sony et Microsoft de ce monde. Plus pousser justement de la qualité au lieu de dire on va mettre genre un balai dans le cul des gangs de voyons, Calic, No Man's Sky pour sortir le jeu plus vite. On va les backer puis on va les aider pour sortir des jeux de qualité. Okay, donc, en réalité, comme que Sony ont fait à le studio de No Man's Sky. Non, mais donc, en réalité, moi, ça m'amène à une question que je voulais vous poser depuis le début. Oh, est-ce que vous croyez... Ça va-tu causer la chicane? Ça, probablement. Est-ce que vous croyez que les demi-générations sont un peu une manière de nous bander les yeux puis de faire... Ben, écoutez, il y a peut-être pas de software présentement, mais est-ce que vous avez la bonne console, wow, par contre? Guys, c'est un peu un trompe-l'œil de répondre... dire, avez-vous la bonne console dans le salon? Moi, je peu veux... importe le software. Je veux le répondre. Je veux amener de quoi avant qu'Éric domine le marché de l'argumentation. c'est la première fois que je commence à sentir ça. Ouais. C'est la première fois avant, que tu dis, j'ai-tu la bonne console? Avant, pour jouer? J'étais pas. Qu'est-ce qui s'en vient? J'étais comme, c'est juste une console avec plus de mémoire, fait que je vais rentrer plus de jeux, nanana, whatever. Ça. À cette heure, je commence à me questionner sur le fait de, ouais, mais si j'achète ça, mes jeux vont-tu mieux rouler? Je parle même plus du CD qui fonctionne ou qui fonctionne pas, je là. Je vais être prête pour l'avenir. Mais c'est ça, c'est est-ce comme. Est-ce que je suis incertain dans mon avenir? Si j'achète pas gamer? Ça, y a-tu le jeu que je vais vouloir jouer dans un c'est an qui ça. Va dire, non, si t'as la Xbox One normale, ça marchera pas, il te est-ce faut qu'on la est S. en train de vivre la crise de Cuba du gaming? Non. Ouais, le Fidel Castro du gaming. Mais ça, en fait, c'était... Okay. Wow, là. De dites un... vos arguments, je veux garder le mot de la fin parce que j'ai quelque chose de très bon. Ah, c'est bon. OK, moi, j'en reviens juste à mon mot du début. Puis c'est que faut qu'on accepte que le marché change. Vive dans faut qu'on passé. Accepte que les générations de consoles, ça commence à genre se morpher dans une bête qu'on comprend pas. Notre divertissement n'arrivera pas juste d'une console. Il va y avoir un marché pour ça, mais notre divertissement n'arrive pas juste d'une PlayStation ou d'une Xbox ou du PC. Le divertissement va arriver de 3 choses très simples, mesdames et messieurs. Ça va arriver d'une petite écran qui fit dans ta poche, une moyenne écran qui fit de ton bureau, puis une astide grosse écran qui fit dans ton écran de, je sais ton pas, salon. De, dans ton moi, salon. Je vais le formuler différemment. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Vas-y. Puis tout ça pour dire que deal with it. Vis avec. Il va y avoir des jeux. C'est ce que c'est. Non, mais c'est ce que c'est, là. C'est, on est rendu dans une transition qu'on comprend pas en ce moment des consoles. Il y a plein de monde qui capote. C'est comme, j'ai besoin de la machine, j'ai besoin de cette machine-là. J'ai besoin de 4K, j'ai besoin de 65%. Ta machine à upscale, c'est de la merde. La tienne à upscale pas, c'est pur, c'est natif. On s'en calisse. Il va y avoir des bons jeux à travers de tout. Il va y avoir des plateformes qui ne vont pas être réglées par des boîtes. Il va y avoir des plateformes qui vont être réglées par des formats un peu plus comme Steam. Ça, c'est une plateforme. Steam, c'est une plateforme. Windows, aka Microsoft Xbox, c'est une plateforme. PSN, c'est une plateforme. iOS, c'est une plateforme. Ça, c'est des plateformes du futur. C'est pas une boîte. C'est pas tu la grosseur de la tu boîte. Tu donnes pas de love à Android? Hein? Play Store? Oh, oui, puis Android. Oui, excuse, je l'ai juste oublié. Mais Android, Play Store, excellent. Je dépense de l'argent. Hey, des fois, je dépense des 15$ sur Android parce que je sais que je vais pouvoir jouer des fucking jeux de SNK sur ma télé dans 10 ans. Comme je suis weird, là. I get it. Mais donc, on dit, on s'entend pour dire que Les mi-générations, c'est un signe du futur. C'est pas la mi-génération, c'est le software. La mi-génération, c'est un... Ça a toujours été du moment, début que ça a été le software. Oui, j'ai fait un autre attachement à Microsoft parce que Microsoft font des bons moves. Du début, ils ont compris que c'était le software. Mais en ce moment, ce que je veux dire, c'est... Ça vient chercher un peu que... Moi, le laisser pour compte dans toutes ces histoires-là, c'est le jeu. C'est le titre qu'on n'a pas. Puis, non, mais puis, je suis d'accord. Puis, il va y avoir des jeux qui se différencient un petit peu. Il va y avoir des exclusivités. Mais André, il lève sa main puis il fait le weird sign. Je veux bientôt dire le mot de la fin. Écoute, Milton, je vais amener mon argument puis je vais te céder le mot de la fin. Tu as été quelqu'un de respectueux tout au long de l'épisode. Contrairement donc à moi. Contrairement tout à Eric. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est que présentement, le consommateur est pris en otage. Il est pris en otage par des compagnies qui vont lui créer des besoins qu'il ne croyait pas avoir, qui vont avoir des confrontations, qui vont animer des gens autour d'une table. Donc, le consommateur, présentement, se fait dicter, parce que le gamer est un consommateur relativement récent, qui, comparativement à l'automobile, comparativement à beaucoup d'autres c'est industries, un animal sauvage. Se fait dealer un paquet de problèmes par l'industrie qu'il ne savait pas qu'il avait besoin. Un gamer savait pas qu'il avait besoin de 1080p avec un Dolby Pro Logic 2. Ou du un True gamer HD. Ne savait pas qu'il avait besoin de True HD 4K HDR. Un gamer savait pas qu'il avait besoin de ça. Un gamer avait besoin d'un jeu, d'une histoire, d'un gameplay, d'une manette dans les mains, puis le gamer avait besoin de ça. Et présentement, l'industrie du jeu vidéo, parce que je reviens là-dessus, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans le collectif, l'industrie du jeu vidéo est une machine qui veut vendre. Et présentement, on se fait créer des besoins par cette industrie. Donc, les consoles 4K, les Xbox One S, les PS4 Pro, tout ça est créé par l'industrie qui veut nous enfoncer des besoins dans la gorge. On était heureux en jouant à Final Fantasy 3 au Super Nintendo. Je on le était suis encore. Heureux en jouant à Punch-Out. On fait la file dans des commerces pour se procurer une NES Classic Edition à 80$ pour jouer au même jeu dans le temps pour jouer à Punch-Out. Donc, présentement, ce qu'on voit, c'est que l'arrivée de cette demi-génération de consoles-là nous crée des besoins que nous n'avons pas nécessairement besoin. Est-ce que Mass Effect Andromeda va être meilleur sur un PS4K? Un PS4 Pro, en fait? Ben, peut-être qu'il va être un peu plus beau, mais je vais pouvoir faire les mêmes choix sur ma PS4 Slim. Je vais jouer au même jeu. Je vais avoir la même trame narrative. Il va juste planter la plus même au PC. Musique. Et il serait peut-être un peu plus fluide sur un PS4 Pro. Il va peut-être être meilleur. Peut-être. Plus rapide et plus accessible sur PC. Mais d'un autre côté, ouais, on va avoir le même Mass Effect. Donc, présentement, on s'éloigne un peu du contenu et André, on se rapproche un peu plus d'une technologie. T'espères aussi que la fin de Mass Effect soit acceptée par le public. J'ai aimé la fin de Mass Effect 3 avant même qu'il fasse une vision. Je sais, moi donc, aussi. Tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que présentement, Stéphano est peut-être cave en train d'acheter un NES classique sur Kijiji à 300$. Ou sur Craigslist aussi. Mais il y a un paquet de monde qui vont s'acheter des PS4 Pro, des Xbox One S, et etc. Ça revient au même. En fonction d'upgrader leur expérience quand réalité, tout le monde va jouer au même jeu. Puis peu importe la console sur laquelle on va jouer, on va vivre les mêmes expériences, on va vivre les mêmes histoires. Il y a juste des graphiques qui vont être un peu plus beau puis une immersion un peu meilleure sur une autre console. C'est correct, ça. Puis c'est correct. Puis à la limite, le portefeuille de chacun dictera ça. Mais présentement, le message que j'essaie d'envoyer, puis finalement, je fais un mot de la fin, Milter, je m'en excuse, tu iras après. Mais c'est pas long, moi, mon laissez pas cette gamique d'industrie vous dicter dans vos besoins de consommateurs. Allez-y vraiment avec l'expérience que vous voulez vivre, le jeu qui vous intéresse. Puis que vous jouez sur une Xbox 360, une Xbox One ou peu importe, ça va être aussi le fun. Changez s'il est cassé. Ouais, c'est pété, là, ça va à peine de se pogner une Pro. Mais c'est pas pété. Ou une One S. Rachète ou une One S, effectivement. Peu importe. Fait que Joe, je te cède ce mot de la fin suite à un... Moi, dans le fond, c'est quand qu'on parle de la Nintendo Switch. Fuck ça. C'est bon. En fait, excuse, je vais réitérer mon chose. Fuck the Nintendo Switch with a rubber dick. OK, avant que parlant de Nintendo Switch. Pour l'instant. Non, mais en parlant de vouloir être impartial puis objectif. C'était un mot de la fin là, pas un deuxième épisode là, je dis ça de même. J'aimerais juste ajouter vite fait que c'est correct ce qui se passe là. Ouais. Acceptez-le. Il va avoir plein d'écrans. pour jouer plein de jeux cool. Pis soyez avertis. Soyez avertis, soyez pas crâne. Renseignez-vous, puis choisissez l'expérience que vous voulez vivre. Mais les mi-générations, c'est un signe de où est-ce qu'on s'en va, puis la Nintendo Switch va être correcte. Contrairement à André, moi je pense que la Nintendo Switch mérite un peu de respect. C'est parce que j'ai pas d'amis cool qui vont pouvoir m'aider sur un party, sur un toit d'édifice. Le toit d'édifice, ouais. J'ai pas d'amis avec des toits d'édifice. Jouer au basket, carrément. À côté d'un bureau. Mais à côté parlant de Nintendo Switch, la ligue de Toys R Us, 329,99 canadiens. Trop cher. Mais en réalité, guys, c'est un bon moment pour être des gamers, mais ce qu'on essaie de vous envoyer comme message depuis des années au collectif, c'est tout simplement c'est que cette industrie-là va être ce que vous allez en faire. Donc vos choix en tant que consommateur, vos choix en tant que gamer vont avoir des répercussions sur les années à venir. Puis, on va être les artisans de notre malheur ou de notre bonheur. C'est tout aussi simple que ça. Donc, si vous choisissez une console beaucoup plus dispendieuse pour des options qui sont peut-être moins présentes pour jouer au même jeu que vous auriez pu jouer sur une autre, ben plaignez-vous pas dans 10 ans si cette console-là devient la prédominante du marché. Et parlez-en avec tes amis, parce que Dieu sait que discuter puis de chicaner à l'entour d'une table à propos d'une console de jeux vidéo, c'est crissement plus plaisant que de le faire sur des élections d'un autre pays. Certainement. Et sur ce, on vous invite à interagir avec nous. Vous avez aimé les propos, vous avez détesté les propos, vous écoutez présentement l'épisode dans le métro, vous êtes fâchés après nous autres sur ce qu'on vient de dire, vous me croyez impartial, vous croyez les gars vendus à Microsoft, Xbox for life. Guys, interagissez avec Nintendo. Nous sommes Geek Collectif le podcast, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver également au @geekcollectif sur Twitter. Eric, les gens qui auraient voulu réagir à ce que tu as dit ce soir, on te retrouve où? Facebook, Montréalien, je fais plein de conneries, Arcade Montréal DJ, puis Priced 1387 sur Battle.net, puisque je me considère le roi des jeux de Blizzard. Oh, oh shit! Mais en tout cas, j'aime Blizzard. J'aime Blizzard. Le jour que Blizzard est sur une de mes écrans dans les poches, je sais même pas quoi dire. Hearthstone, ça marche. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi. Moi, je vais juste vous dire de me suivre sur Twitch cette semaine. Ah ouais? Ouais. Twitch, okay. Zombie parce que Milter. Son Snapchat est plate as fuck. Ouais, super plate. Zombie M, Snapchat. Je voulais en parler des spectacles, gang de salle qui mettent une machine. Excuse, seulement. La machine fait le tour du monde présentement. À chaque jour, il y a des ménages. Elle est rendue où? Elle est rendue à... Es-tu à Montréal? Es-tu à Mascouche? Elle est en train de venir au Canada, par exemple. Je me souviens pas où exactement. Moi, je call Toronto avant n'importe où. C'est clair. Guillaume, les gens qui voudraient réagir à ce que tu as dit ce soir? Ils peuvent toujours me rejoindre sur les médias sociaux. Facebook, Twitter. C'est relativement facile à me trouver. C'est guillaume.ml sur Facebook. Par contre, si vous êtes un inconnu et vous êtes juste me rajouter, je vais peut-être avoir peur et aller me cacher en boule en dessous de mon pupitre. Donc, envoyez-moi un message avant. Sinon, guillaumeamel.com qui sera de nouveau disponible sous peu après que j'aille travailler dessus. Et les gens qui voudraient interagir avec mes réactions, me traiter de Sony fanboy, eh bien, Uzumaki QC sur pas mal toutes les plateformes qui sont disponibles. André Bruno, Sitting in the Tree. Puis on peut-tu, pour le monde, PS4. Se sent du... ING. Pour le monde qui sont encore en d'écouter, on peut plugger notre Discord aussi. Là. On va avoir un Discord, effectivement. On a un Discord. Mais qu'est-ce que Discord? Sur la plage. J'ai des photos de moi dans le métro que j'ai partagé avec André, Chris, au début de Discord. Donc, guys, il y a un Discord qui existe du Geek Collectif. On va le partager sur la page Facebook. Également, vous avez aimé le contenu qu'on vous a présenté ce soir. Ben, c'est super simple. Patreon.com/geekcollectif, ça nous aide à garder les lumières ouvertes, ça nous aide à payer nos serveurs et se procurer de l'équipement pour vous envoyer un peu de divertissement une fois ou deux semaines pour vos oreilles et pour vos yeux. Donc, patreon.com/geekcollectif, pour les Patreons qui sont déjà existants, justement, Eric mentionnait Discord, on va avoir un petit quelque chose de spécial pour vous dans les jours à venir, on est en train de travailler quelque chose. Donc, guys, Geek Collectif, le podcast, ça nous fait plaisir de faire ça avec vous, ça fait déjà 4 ans et 84 épisodes ce soir. Donc, peu importe la console que vous avez dans votre salon, peu importe l'expérience que vous voulez vivre en tant que gamer, l'important, c'est de la vivre et de la partager. Donc, on compte sur vous pour interagir avec nous. Et un grand merci à vous et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Guys! Yeah! Ciao! Bonne soirée! À ciao! Plus. Bon, là que le rec est fini, l'entrée, là, toi, ton esti de Sony à marde, là! Esti de fanboy sale!